Bonjour tout le monde, il est 6h25, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne nuit en pleine forme. Comme Julie par exemple, qui est en pleine forme. Ah oui, moi je suis en pleine forme. Ah ouais. Tant mieux, bien dormi. Ah ouais, ouais, comme toi. On est bien, tant mieux. Et toi, Mickaël, est-ce que tu es en pleine forme? Eh bien écoute, oui, bah, je n'arrivais plus à dormir à 3h du mat, donc je me suis levé. Ah bah écoute, voilà. Voilà, pour une fois, je me suis levé plutôt tôt. 3h, c'est très dur quand même. Ah oui, bah écoute, si tu te lèves, c'est que tu peux le faire. Donc ouais, mais je le sens maintenant en fait. Tu m'étonnes, ouais. Mais bon, ça va aller, hein, ça va aller. Ça devrait aller en tout cas. 6h26, j'espère que tout se passe bien chez vous ce matin. Oui, t'en varie, là. Ah, mais là. Oh, tu m'as ramené un café. Oh, avec plaisir. Oh, ouais, je peux rendre service. C'est ça, bah, je peux me brosser, tiens. Bon, je disais ce matin, comme d'habitude, du lourd avec la ligne anti-relou, évidemment. Julie, tu dis ça, c'est vraiment pas cool. Ouais, c'est ça. La ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés au 0473 86 0013. Ça, bien sûr, comme chaque matin, ça arrivera aux alentours de 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. On remboursera avec plaisir vos factures. Ça aussi, ça se passera tout à l'heure. Ça, c'est vers 7h10, 8h10 et 9h10. Mais vous en avez pris l'habitude. Maintenant, ai-je encore besoin de rappeler ces heures? Je ne pense pas, mais enfin bon, on sait jamais. Il y a des nouveaux auditeurs tous les jours et Dieu merci d'ailleurs. Remboursement des factures. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, sachez qu'évidemment c'est possible. Il suffit de nous envoyer un petit SMS au 6322, c'est 1€ le message. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Il y a de la grosse info là dans un instant? Bah écoute, il y a quand même un accord de la zone euro, donc pourquoi pas. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, en tout cas, on en parlera dans un instant. On parlera de la météo estivale, d'ailleurs, pour l'instant aussi. Et oui, mais j'avais dit qu'il y aura un temps sec. C'est vrai. On ne croyait pas. Hein, mais... On aura l'horoscope de Doudou aussi, comme tous les matins. Et puis, bien évidemment, pas mal de jeux pour vous faire gagner pas mal de cadeaux, notamment ce matin, comme toute la semaine d'ailleurs, des écrans plats ou des packs Nintendo Wii. C'est à vous de choisir. Et pour gagner, il suffit de répondre à la petite devinette qui colle. Comme d'habitude, vous connaissez le principe. Si vous avez la réponse, vous l'envoyez au 6322, 1€ le message avec la réponse et on vous rappelle peut-être dans quelques instants pour vous offrir votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii. Alors attention, écoutez bien, il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 6322, c'est 1€ le message, je répète. Il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. Je voudrais donner juste un petit indice. Reading. Voilà, c'est un indice, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà. Reading, si vous avez la bonne réponse, donc 6322, 1€ le message, écran plat à gagner, ou alors les packs Nintendo Wii. On appelle quelqu'un d'ici quelques instants et on salue également Daniel le recordman de Liège qui nous salue ce matin et qui est déjà debout à 6h28 et ça fait plaisir. Bonjour Daniel. Dans un instant, Jason Derulo avec Hit Girl sur Fun Radio. On proposait un lit pour l'énigme, non, pas du tout, non. Sur le indice, comment est-ce qu'on dit ça en chinois? Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. En fait, c'est la réponse, pardon, tant pour moi. Comment est-ce qu'on l'a... Ouais, on appuie sur le bouton pour l'appeler en chinois. C'est par rapport à une petite blagounette, bien évidemment. 6h28, j'ai mangé un clown ce matin. Ça me va pas de me lever si tôt. Ah oui. Tu devrais ne plus recommencer ça, jamais. Oui, ça ne me va pas du tout. Les infos maintenant à 6h29, c'est parti avec Julie. Bonjour à tous, la zone euro respire ce matin après 10 heures de négociations. Les dirigeants européens ont trouvé un accord pour sortir de la crise de la dette. Les banques vont être recapitalisées à hauteur de 106 milliards d'euros et la dette de la Grèce sera divisée par deux. Le Premier ministre sortant Yves Leterme a aussi déclaré à l'issue du sommet consacré au sauvetage de la zone euro qu'aucun partenaire européen n'avait formulé des doutes ou des inquiétudes sur l'état de santé financière de la Belgique. La Belgique justement confirme ses engagements budgétaires. Les négociateurs fédéraux et les ministres présidents des régions ont confirmé qu'ils respecteront les engagements budgétaire pris par la Belgique à l'égard de l'Union européenne, à savoir une limitation du déficit public à 2,8% du PIB en 2012. Les négociateurs se retrouveront en séance plénière à 10h45 pour poursuivre les discussions sur les chapitres socio-économiques examinés en groupe de travail. Ne dites plus région wallonne, mais bien Wallonie. Ce changement s'inscrit dans le sillage d'autres initiatives visant à promouvoir une conscience collective wallonne, comme le décret consacrant définitivement Namur comme capitale de la Wallonie ou alors celui qui institue la distinction honorifique du mérite wallon par à cette résolution. Le Parlement, ses membres et ses services s'engagent à utiliser l'appellation Wallonie dans tous les cas où la législation n'impose pas la terminologie officielle de région wallonne. 1 million d'euros débloqués pour la création de 400 places d'accueil de SDF durant l'hiver. En 7 ans, le nombre de places d'urgence durant l'hiver a quasiment multiplié par 10. Environ 40 000 nuitées ont été enregistrées l'hiver dernier à Bruxelles, soit plus du double des nuitées pour l'ensemble de la région wallonne. Selon la ministre bruxelloise de l'aide aux personnes, Evelyne Uytebroek, la région bruxelloise est confrontée à une véritable urgence humanitaire qui est aggravée par le flux de demandeurs d'asile et l'incapacité de fait d'asile à y faire face. L'avocat de Michel Martin a demandé à la Cour de casser le dernier jugement rendu par le tribunal d'application des peines de Mons. Thierry Moreau avait invoqué le fait que l'État belge aurait rendu inapplicable le plan de réinsertion de Michel Martin parce que son ministre de la Justice, Stéphane de Clercq, avait manifesté dans les médias son mécontentement vis-à-vis de la libération possible de sa cliente. Il a aussi affirmé que le fait que le ministre belge de la Justice a toujours refusé d'accorder à sa cliente ses congés pénitentiaires a compromis le plan de reclassement de Michel Martin. La Cour a rejeté ce recours en cassation et puis la Cour a aussi rejeté le recours de l'avocat Victor Hissel. Eh ben, on va passer à la météo maintenant à 6h31 sur Fun Radio. Et dans un instant, il y a Jason Derulo aussi avec Hit Girl. Soleil, soleil, avec quelques nuages inoffensifs. Tout va toujours bien au-dessus de nos têtes. Température de 12 à 17 degrés et même jusqu'à 18 degrés demain. La classe, la belle classe. Bon, dans un instant sur Fun Radio, je l'avais dit, Jason Derulo. Il y aura également, bien évidemment, dans un quart d'heure, la ligne anti-relou. Mais avant cela, c'est l'info en plus. Alors, l'info en plus, on se rappelle qu'en mai 68, les féministes brûlaient leur soutien-gorge sur les barricades pour se libérer d'une société bourgeoise et misogyne. Mais c'est vrai. Une belle époque. Eh bien, pourquoi ne pas recommencer et continuer à brûler ces soutiens-gorges, mais cette fois pour sauver la planète. Eh oui, mais Julie va commencer d'ailleurs. Hein. Eh bien, pourquoi pas, mais bah, ça ne se passe pas vraiment près de chez nous, c'est ça le problème. Ça se passe plutôt en Asie. C'est une société japonaise qui propose à ses clientes de recycler leurs vieux soutiens-gorge en carburant écologique. Ouais, c'est-à-dire, ça marche comment Elle prévoit de récolter les soutiens-gorge, de les brûler, et alors elle les transforme en carburant écologique, tu vois. Ah ouais, mais je vois pas ça très bien comment est-ce qu'en les brûlant, du truc où il y a du plastique et tout le bordel, comment t'arrives à faire un truc écologique ? Eh bien, ça, écoute, ça c'est à cette société-là qu'il faut poser la question, évidemment. Elle dit qu'elle explique qu'elle utilisera donc moins de charbon, vu qu'elle utilisera des soutiens-gorge, et donc, du coup, le produit sera considérablement moins, il y aura moins de dioxyde de carbone qui sera évacué dans l'atmosphère, tu vois. Je reste sceptique, mais bon, pourquoi pas, pas. Je suis pas scientifique. Il y a juste un tout petit problème, c'est un sondage, 61% des Japonaises sont gênées de jeter leur soutien-gorge. Mais ils surtout n'ont pas besoin de soutien-gorge. Car en fait, peut-être aussi. Bah, oui. Car en fait, les municipalités exigent de le mettre dans des sacs transparents. Ah oui, évidemment, elle pense que ça va attirer les pervers et tout, de mettre des sacs transparents. Ah bah toi, va partir directement là-bas. Dans la rue pour qu'ils soient récoltés. Donc voilà, c'est une chouette initiative et malheureusement, les Japonais sont pas super chauds à l'idée. Oui, à voir, pourquoi pas. Bon, je vous rappelle la petite devinette qui colle là ce matin pour repartir avec un écran plat ou avec le pack Nintendo Wii. Il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. Si vous avez la bonne réponse, tout le monde l'utilise, je vais pas dire tous les jours, mais en tout cas pas loin, surtout à New York par exemple. Je crois que ça doit être un objet qu'il y a le plus à New York, dans toutes les tours, les immeubles, les buildings, etc. Sans eux, on serait quand même vachement dans la merde au niveau de monter d'un étage à l'autre, par exemple, surtout de dizaines d'étages à dizaines d'autres. Il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. La bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde. C'est un écran plat et un pack Nintendo Wii qui est à gagner. Enfin, ou un pack Nintendo Wii. On écoute Jason Derulo maintenant sur Fun. C'est Hit Girl, 6h34. Bon réveil. 6h37 sur Fun Radio avec Jason Derulo à l'instant, c'était Hit Girl sur Fun. Dans un instant, ben ne bougez pas puisqu'il va y avoir du lourd encore avec Jim Classy Rose et Adam Levine, ce sera Stereo Hearts. Et puis nous allons parler de mort maintenant, attention, ça fait peur. Oui, ça fait très très peur. Ben, on le sait, Amy Winehouse... Et même quand elle était vivante, elle faisait peur aussi d'ailleurs. Oui, effectivement. Hein, mais bon, Amy Winehouse nous a quittés. Oui, ben, ça c'est pas une exclue. Hein. C'est pas vraiment une exclue, mais on ne savait pas exactement pourquoi elle nous avait quittés. En tout cas, le rapport d'autopsie, le premier qui avait été fait, les premières analyses, n'avait rien donné et on savait que ça allait prendre un petit peu plus de temps pour comprendre. Et bien maintenant on sait, elle est morte, c'est une mort accidentelle, bon ça on s'en doutait, suite à Michael, une idée? Je sais pas. Un mort accidentel? Ouais, suite à quoi? Mais quand on se drogue et qu'on fait une overdose, c'est aussi un accident, non? Oui, tout à fait. Bah, c'est ça, pas alors, tout non à fait ça, non, c'est, non, c'est ça suite à un abus d'alcool. Ah, mais c'est ouais un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas juste. En fait, elle avait un taux d'alcoolémie supérieur de 4 à 5 fois à la limite déterminant la conduite en état d'ivresse. Ah oui, donc ça va pas grand-chose, quoi. Ouais, non, voilà, 4 à 5 fois. Mais en fait, surtout, elle a eu un choc qu'on appelle stop and go. Stop and go. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. À s'arrêter, repartir. Ouais, ben ça, mais voilà, exactement. La traduction littérale, c'est ça. Et en fait, c'est reprendre une consommation d'alcool très très forte après une période d'abstinence, en fait. Ah oui, d'accord. Quand tu arrêtes de boire parce que tu es alcoolique et tu bois beaucoup trop, et que tout d'un coup tu rebois un gros coup, ça s'appelle le choc stop and go, et ton organisme ne résiste pas. D'accord. Et donc voilà, maintenant on sait. Goucherai moins grand ce soir. Ah, ça c'est sûr. Maintenant on sait comment Amy Winehouse nous a quittés. Effectivement, elle s'était bourré la gueule. D'accord, ok, ouais, bah voilà, donc quelle belle mort. Je suis pas sûre, parce qu'à mon avis, elle devait être un petit peu malheureuse, et je pense qu'elle a bu, parce qu'elle était très malheureuse. Donc, peut-être. C'est peut-être pas spécialement extra. Ouais. C'est pas super, quoi. Non, c'est pas le top. 6h39 sur Fun Radio. Je vous rappelle que tout à l'heure, Mickaël réveille la Belgique avec Sébastien Loeb, évidemment. Et il sera en direct de Louvain-la-Neuve, puisqu'il y a eu les 24 heures alcool hier. Et bah, que... C'est pas fini encore. Bah, c'est pas fini, oui, c'est vrai. Ils sont encore la tête dans le guidon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est les petits yeux, toi-même. Non, pas du tout. La tête dans le culot, plutôt, ouais. Enfin, bref. Donc voilà, il sera là-bas pour un petit réveil la Belgique, bien que je pense qu'il ne faille pas forcément les réveiller. Alors, déjà, le grand dilemme, c'est de savoir s'il arrivera à Louvain-la-Neuve. Bah oui, pourquoi? Parce que hier, je lui ai envoyé un message pour être sûr qu'il aille bien à Louvain-la-Neuve. Parce que je lui mets, ouais, donc c'est Louvain-la-Neuve, pas Louvain sur l'autoroute, parce qu'il vient de Liège, sur l'autoroute de Liège. Ah oui. Il me fait, ah, c'est pas Leuven. Ah oui, d'accord, ok, non, ouais, effectivement. Je lui fais, non, c'est entre Ottigny et Wavre. Oh, ah oui, donc c'est pas sûr qu'il y arrive. Bon, et eh ben je vous rappelle la devinette qui colle. On sait jamais qu'il soit pas au Mickaël réveille la Belgique à Louvain-la-Neuve. Il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. Surtout, comme je le disais, quand on habite à New York ou à Dubaï, par exemple, et qu'il y a d'énormes tours, et eh ben c'est quand même vachement plus pratique de les utiliser plutôt que de prendre ce fichu escalier, surtout quand il y a 100 étages, hein, par exemple. Si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce qu'on cherche? 6322, c'est 1€ le message. Il y a un écran plat à gagner ou un pack Nintendo. Oui, bonne chance. Et dans un instant sur Fun Radio, Gym Class Heroes. Et Adam Levine, évidemment, sera c'est Stereo Heart. Je vais y arriver, hein. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde, il est 6h45 et nous allons faire un tour du côté de l'infotrafic maintenant avec Julie. Que se passe-t-il sur les routes? Eh bien rien, tout se passe extrêmement bien sur la route. D'accord, ok, bah si jamais vous êtes témoin d'un problème info. Là, aucun flash? Aucun flash info. Bon, bah si vous êtes témoin d'un problème sur la route, on sait jamais, on peut pas être partout. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message dès maintenant, vous faites le 3044 par SMS et 50 centimes le message. Ou alors vous envoyez un petit mail et c'est gratuit du coup sur mickaël@funradio.be. Voilà, je compte sur vous si vous voulez tenir au jus bien évidemment les autres auditeurs de Fun pour faire péter la Fun Solidarité justement. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et nous allons maintenant passer à la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin des messages laissés sur ce répondeur. Le 0-473-86-00-13. C'est un répondeur qui est fait pour vous, qui est fait contre les relous et peu importe le relou. Ça peut être quelqu'un qui vous drague, ça peut être votre patron, ça peut être votre prof, ça peut être votre directeur, ça peut être même un ami à la limite. Enfin, un ami. Non, entre guillemets, c'est pas quoi. Vraiment un ami. Non, mais l'ami d'un ami, par exemple, à la limite. Ou l'ami d'une amie ou un truc comme ça. Enfin bref, il est là pour éviter qu'un relou vous tombe dessus et vous prenne la tête au téléphone. Donc quand vous croisez un relou, comme je le disais, votre prof, votre directeur, le fisc, la police, n'importe qui, vous lui donnez ce numéro. Et nous après on récupère évidemment tout ça avec grand plaisir. 0-473-86-00-13. Et on va écouter le premier message de ce matin. Oui, c'était Jean-Pierre. Bah, écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais tu m'avais dit d'être attendre devant le café de la gare. Ça fait 1h30 que j'y suis. J'attends, je fais déjà mon 5e café. Donc, je commence un peu doucement à avoir marre. Ah oui. Est-ce que tu crois que on pourra se voir un jour quand même? Parce que, bon, ça commence à. Oui, commence à. Ça a l'air difficile, hein. Et il commence à la voir, hein. Il faudrait peut-être qu'il arrête de boire du café aussi. Oui, ça aussi, ça pourrait peut-être l'aider, effectivement. Deuxième message laissé sur cette ligne anti-relou. Cindy, comment est-ce qu'on va faire? Ça fait 1h30 que je t'attends méchamment. Méchamment. Et bon, puis on avait dit qu'on allait se connecter via Bluetooth, tout le bazar, tu vois. Via Bluetooth. Allez, viens un peu, mon petit cœur, viens un peu avec ta petite... avec ta petite robe verte là que t'avais mis hier. Oh, oui. Bon, et je t'attends, hein, sérieusement. On envoie la musique, hein, petit chéri. Oh, allez, surtout, c'est surtout, bah, je sais pas comment on va faire. Bah, toi, je sais, oui, toi, tu sais pas comment on va faire, mais par contre, elle, elle le sait. Hein. Ouais, mais en avant la musique. Et en avant la musique. Et en avant la musique, le troisième message. Oui, bonjour, c'est José. Voilà, j'ai votre numéro de téléphone par Mickey, mon neveu. Alors, si vous voulez me téléphoner, c'est le 04 475 4. Je vous remercie. Eh ben voilà, écoute, refais. Je te remercie. Non, mais surtout, remercions le cousin, le neveu. Le neveu. Ah, oui. Oui, Mickey, oui, qui a donné le numéro d'Ali Anti-Relou à son oncle, quand même. Très sympa. Retour de l'Ali Anti-Relou, évidemment, dans une heure sur Fun Radio. On va vous rembourser vos factures dans pas longtemps. Et puis, dans un instant, à faire chez le monde. Évidemment. Eh ben très bien, nous ça sera. Bien faire chier le monde ce matin. Ah, parfait. On va donc téléphoner dans quelques instants. Peut-être chez vous, qui sait. Enfin, j'espère pas chez vous, sinon non, forcément la blague tombera. On téléphone pas chez des gens aujourd'hui. Ah d'accord, ok. 6h48. On appelle quoi ? On appelle pas des gens. On appelle pas des gens. D'accord. 6h48 sur Fun Radio et on écoute Jim Classy Rose maintenant et Adam Levine, c'est Stereo Hearst. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Jim Classy Rose sur Fun Radio à l'instant avec Stereo Hearst et restez là aussi. Jay-Z arrive dans un instant avec Kanye West et Mr. Hudson. Ce sera Why I Love You sur Fun Radio avant de retrouver évidemment l'info avec Julie d'ici quelques instants. Je vous rappelle également la devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ou avec le pack Nintendo Wii. Écoutez bien, il est enfermé dans une cage mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique et c'est vrai que quand on emménage par exemple dans un building, heureusement qu'il est là car sinon on devrait en prendre un extérieur évidemment pour voir monter les meubles. Ou sinon tout faire par l'escalier. Oui, ou tout faire par l'escalier ou l'escalator éventuel, mais en général on n'a pas d'escalator dans un immeuble. C'est rare. C'est assez rare. Sauf aux États-Unis, ceux-là ils sont tellement barrés que là-bas il y en a. Si vous avez la bonne réponse, donc qu'est-ce qu'on cherche ? 63-22, c'est 1€ le message. Vous avez la chance peut-être de repartir avec un écran plat ou avec le pack Nintendo Wii. Bon, on va faire chier du monde maintenant alors ce matin. Hein. Eh ben écoute, oui. Eh ben oui, allez, oui. C'est parti. Hein. Donc, on va appeler qui alors du coup ? Eh ben on va appeler chez Deleuze. Ah, et pourquoi faire ? Eh bien parce qu'ils ont fait une pub, tu vois, pour des cartes de téléchargement de musique. Ouais, les stars sont chez Deleuze. Voilà, c'est ça. Comme tu le dis, les stars sont chez Deleuze. Donc la pub disait bien, les Black Eyed Peas, Lady Gaga, Justin Bieber sont dans ton Deleuze. D'accord. Donc le mien. Ouais. Et bah donc moi je voulais les voir, donc je suis allé dans mon Deleuze et là ils étaient pas là. Ah d'accord, donc tu vas appeler Deleuze pour dire que c'est un scandale, que t'as pas trouvé ta star. Exactement, c'est honteux. Eh bah écoute, honteux, ils étaient pas là alors que moi j'y suis allé, c'est honteux. Eh bah allons dans un Deleuze alors, on va où on va à Spa. À Spa. C'est parfait, Spa. Allez, c'est parti, on y va, on appelle à Spa maintenant. Oh là, ça ne sonne même pas, c'est pratique. Deleuze de Spa, bonjour. Oui, allô. Oui. Oui madame, vous êtes une menteuse. Oh, dites, vous êtes au Deleuze à Spa, madame. Oui, ben c'est bien. Et je suis pas madame, je suis monsieur. J'ai peut-être que 15 ans, mais vous m'avez menti quand même. Et c'est pas bien de mentir aux gens de 15 ans. Mais vous n'êtes pas bien, vous, dans votre... Si, je suis bien. Parce que moi, je suis venu dans mon Deleuze. Hein? Connasse. Deleuze à Spa, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous direz à la dame qu'elle est mal polie en plus d'être une menteuse. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Eh ben, monsieur, je suis pas une madame, je suis un monsieur. J'ai peut-être que 15 ans, mais c'est pas une raison pour me manquer de respect. Moi, je suis venu dans mon Deleuze pour voir les Black Eyed Peas, et ils étaient pas là. Ah, ben oui. Eh ben, maintenant, je veux un dédommagement, parce que vous m'avez menti. Ah oui. Ah, oui. C'est la musique, madame, qu'on sait avoir. Je suis pas une madame, je suis un monsieur. Ah, mais excusez-moi. Hein ? C'est ça. Donc... Je suis trompé. Oui, eh ben, c'est pas bien, monsieur. C'est ça, vous trompez les gens. C'est bien ce que je dis. Mais non, mais vous pouvez toujours écrire chez Deleuze. Oui, c'est ça, oui, je peux écrire une lettre que personne ne me répondra. Parce qu'en plus... Ils répondent toujours. Ils répondent toujours. Oui. Oui, ben on verra. Parce que moi, je vais être dédommagé, monsieur. Et ça se passera pas comme ça. Et j'irai, c'est test achat, hein. Et s'il faut, j'irai plus loin. Mais moi, je veux rencontrer les Black Eyed Peas maintenant. Voilà, vous m'avez menti. Ça va. Et ben voilà. Comme ça s'est plié. Bon, on n'aura pas de réponse tout de suite. On essaiera vers Bruxelles tout à l'heure, ou Charleroi ou Namur. On verra bien. Oui, on verra, ça dépend. Bah oui, si vous connaissez quelqu'un qui bosse chez Deleuze et qui est déjà au travail, n'hésitez pas à nous donner le numéro 3044, évidemment. Dans un instant, la possibilité pour vous d'être remboursé d'une facture intégralement. Ça peut toujours faire plaisir, ça. Et à 6h55 sur Fun Radio, on écoute Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson maintenant. Why I Love You. Excellent. excellent son qu'on écoute ce matin sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Le son de Jay-Z à l'instant, Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson sur Fun Radio, c'était Why I Love You, 6h58. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, dans 10 minutes précisément, nous allons peut-être appeler chez vous pour vous rembourser votre facture. Facture que vous allez devoir évidemment envoyer, en tout cas le montant et l'objet, au 6322 en débutant ce même message par facture. Comme par exemple, là, plus ou moins 26€ pour vous, c'est Brigitte, pas cher. Il y a Mick qui dit 87€ pour la danse de sa fille. Il y a également 140€ pour Mobistar, c'est Alison de Verviers. 160€ pour un procès, 37,50€ pour une facture Baze, un téléphone à 179€. Bref, si vous aussi vous voulez avoir une chance, et bien qu'on vous rappelle en direct dans moins de 10 minutes sur Fun Radio pour vous rembourser votre facture. Un seul numéro, 6322. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet. Et restez là aussi, car dans un instant après l'info, il y aura DJ Abdel. DJ Abdel avec Soprano sur Fun Radio, ce sera C'est Ma Life. Je rappelle que ce sera le 16 décembre également, en concert avec Fun. Soprano, ce sera l'ancienne Belgique. Place à gagner prochainement sur Fun. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h09h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Et il est 7h pile. Oh là là, j'ai jamais démarré les infos à 7h pile comme ça. Oh, les infos maintenant. Avec ce truc que je déteste, c'est quand on crie comme ça. Le mec qui se réveille, là, je pense qu'il peut casser le réveil. C'est vrai. Comment tu dis? Je dis c'est bon ça. En plus tu vois, à 7h pile, il y a des gens, ils doivent juste l'allumer là, ah à cette heure-là, ouais, pour se réveiller. 7h tout pile. Là quoi. On a dû les défoncer pour la journée. Bon allez, l'info. Bonjour. L'info maintenant avec Julie, bonjour. Bonjour à tous. La zone euro respire ce matin. Après 10 heures de négociations, les dirigeants européens ont trouvé un accord pour sortir de la crise de la dette. Les banques vont être recapitalisées à hauteur de 106 milliards d'euros et la dette de la Grèce sera divisée par deux. Les pays de la zone euro ambitionnent tous d'adopter d'ici fin 2012 des règles d'or budgétaires pour ancrer dans leur législation l'objectif d'un retour à l'équilibre des comptes publics. Ce matin, les bourses asiatiques, le pétrole et l'euro accueillent favorablement les annonces en provenance de Bruxelles. Les bourses asiatiques sont en hausse à l'ouverture. La Belgique confirme ses engagements budgétaires. Les négociateurs fédéraux et les ministres présidents des régions ont confirmé qu'ils respecteront les engagements budgétaires à l'égard de l'Union européenne, à savoir une limitation du déficit public à 2,8% du PIB en 2012. Les négociateurs se retrouveront en séance plénière à 10h45 pour poursuivre les discussions sur les chapitres socio-économiques examinés en groupe de travail. Ne dites plus région wallonne, mais bien Wallonie. Ce changement s'inscrit dans le sillage d'autres initiatives visant à promouvoir une conscience collective wallonne, comme le décret consacrant définitivement Namur comme capitale de la Wallonie, ou alors celui qui institue la distinction honorifique de mérite wallon. Par cette résolution, le Parlement, ses membres et ses services s'engagent à utiliser l'appellation Wallonie dans tous les cas où la législation n'impose pas la terminologie officielle de région wallonne. Les soins de santé coûtent plus cher et les soins médicaux sont parfois si chers que certains patients s'abstiennent de soins. Un Belge sur 5 renonce à se rendre chez le médecin quand il est malade. Dans 4 cas sur 10, c'est le coût des soins qui est évoqué. Dans le même temps, les prix des soins de santé ont subi une augmentation de 3,4% par rapport à 2009. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des suppléments d'honoraires et les frais liés à une hospitalisation varient par ailleurs également fortement selon les régions. À Bruxelles, les soins de santé coûtent plus cher qu'en Flandre ou en Wallonie. 1 million d'euros débloqués pour la création de 400 places d'accueil de SDF durant l'hiver. En 7 ans, le nombre de places d'urgence durant l'hiver a été quasiment multiplié par 10. Environ 40 000 nuitées ont été enregistrées l'hiver dernier à Bruxelles. Selon la ministre bruxelloise de l'aide aux personnes, Evelyne Uytebroek, la région bruxelloise est confrontée à une véritable urgence humanitaire. Et puis enfin, en sport, en 8e de finale de Coupe de Belgique, on retiendra qu'Anderlecht a été éliminé 1-2 par Ruppelbaum. Même sort pour le Cercle de Bruges et Genk, tous deux éliminés également. Le Standard a battu le Zulte Waregem 1-2, Courtrai et Saint-Tron. Courtrai a battu Saint-Tron, la Gantoise a éliminé le FC... Non, je pense que c'est le FC Bruges qui a éliminé la Gantoise. Non, Bruges a perdu. Non, ouais. Et je dirais même plus, pour faire plaisir à tout le monde qui est en train, par rapport à Tintin. Anderlecht a été ridiculisé. Ah oui, bah... Ridiculisé. Parce que c'était un club de Détroit. Hein, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que... Enfin, bon, c'est ça, je ne sais même pas qui existait. Ne le savait pas. Voilà. 7h03 sur Fun Radio, dans un instant, bougez pas, DJ Abdel et Soprano arrivent avec C'est Ma Life, et nous allons maintenant passer à la météo. Toujours du soleil au-dessus de nos têtes avec quelques petits nuages, mais inoffensifs. Température de 12 à 17 degrés et même jusqu'à 18 degrés. Demain, on annonce ce beau temps jusqu'à lundi prochain. Eh bah écoute, bonne nouvelle, tiens. Bah, juste le jour de la Toussaint, tiens, il va faire dégueulasse mardi. Mais normal en même temps. Un petit peu comme d'hab. Hein. Mais oui, c'est ça. Restez là dans un instant, l'info en plus, et on vous explique comment rembourser vos factures. Fun Radio. Fun Radio. Et il est 7h04 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, le remboursement des factures, 6322 par SMS si vous voulez vous faire rembourser vos factures. On vous appelle dans 5 minutes, donc c'est dans pas longtemps du tout. Restez bien à côté de votre téléphone évidemment si vous vous inscrivez. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On en parle dans un instant évidemment et on fait le tirage dans un instant. Avant ça, c'est l'info en plus. Je reviens juste 2 secondes, la Gantoise FC Bruges, c'était match nul, 4-4. Ah, c'était match nul, ah bah autant ça pour moi alors. Ça a dû être un match quand même assez... chiant. Non, 4-4, attends, ça bouge. Non, 4-4, c'est bien. 4-4, c'est bon bien. Alors, je voulais vous parler ce matin, les garçons, comme dans Hélène et les garçons, comme tu dis toujours des garçons. Oui, les garçons, à faire de la musique dans le garage. Oui, voilà. Allez. Eh bien, maintenant, ça y est, ça existe. Un déodorant pour le pénis. Ah, oh, bah, voilà. Bah, il est temps, tiens. Il est lancé aux Pays-Bas. Il s'appelle Freshim. Yeah, Freshim. Il rafraîchit et protège la zone intime. Et il sera en vente dès lundi prochain. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, donc, aux Pays-Bas toujours. Il tient dans une poche. Il est assez petit. 2 vaporisations quotidiennes suffiraient à assurer la fraîcheur pour la journée. Ah, c'est pas mal. Eh ben voilà. Bah, son écoute. Prix avoisine les 7 euros. Ah, c'est cher, quand même. Bon, faut voir. Bon, dis donc, ça dépend de ce que t'as comme, comme capacité. Un déo... Non, mais ça dépend. Si tu fais 4 pressions et qu'il n'y a plus rien. Ah, ça dépend du genre de pression que tu mets, toi. Hein. Je ne sais pas quelle odeur tu dois cacher. Mais non, mais je sais pas. Non, mais après, il faut voir la taille du produit. S'il y en a beaucoup, pas dedans pour 7 euros, faut voir. Ah, mais écoute, ils disent que c'était à la taille d'une poche. Donc, ouais. À mon avis, ça a la taille pour être dans une poche. Donc, je pense que c'est va tester. Mais avec plaisir. Bah, voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est aux Pays-Bas. Donc, Toff ira comme ça ici. Très bien. Bah oui, 7h06 sur Fun Radio. DJ Abdel et Soprano avec C'est Ma Life. Juste après, remboursement des factures. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Soprano. Vous écoutez Mickaël à la radio. Justement, Mickaël, vu que tu fais le séducteur là au micro, c'est bizarre que tu es entouré que d'hommes dans ton équipe là. C'est un peu bizarre, hein. Mickaël. À la radio. Allô. DJ Abdel à l'instant sur Fun Radio avec Soprano. Je vous rappelle que Sopra sera au concert avec Fun Radio le 16 décembre à l'ancienne Belgique et que si vous voulez plus d'infos, il suffit d'aller vous rendre, pour avoir plus d'infos sur funradio.be. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Hein, c'est allumé ton micro aussi au lieu de se foutre de ma gueule. Quelle heure là, je te jure. Et après, ça se la ramène. Quand même triste, hein. Voilà, maintenant on t'entend là. Ah, est-ce que je peux préciser que je n'ai absolument pas le droit d'allumer mon micro? C'est toi qui as le bouton, Mickaël. Mais c'est dingue quand même. Ouais. Mais sinon, comment est-ce possible? Je n'ai pas c'est le un bouton truc pour allumer mon micro. Je voulais juste rajouter que ce matin encore, Mickaël vous donne des mots et c'est à vous de faire des phrases. Exactement. Je me suis levé à 3h du matin et ce n'est pas pour moi, visiblement, le fait de me lever si tôt. Bon, sinon on disait parfum pour les parties intimes n'est pas très bien. Si on y réfléchit, il y aura des gens qui vont dire eh ben, je le lave plus, je vais mettre du déo à la place. Bisous à tous, c'est Dimitri. Exactement. Mais après c'est le même principe que pour les déos normaux, tu vois. Il y en a peut-être qui se lavent plus en disant bah tiens on va couvrir l'odeur avec du déo. Hein. Enfin il n'y en a pas peut-être, il y en a, c'est clair. Ouais, enfin il y en a qui n'ont pas besoin de ça pour pas se laver la teub. Ça c'est vrai. Bon un message, je vous rappelle d'abord la petite devinette, on fera le tirage en 5 minutes pour repartir avec peut-être l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. Écoutez bien, il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. Quelqu'un avait proposé où est-ce qu'il était celui qui avait proposé ça, je l'ai perdu, tiens. Oh, dommage. Ah oui, on avait proposé un lift. Oui, le problème, c'est que c'est pas la bonne langue, quoi. Voilà. Et encore, même pas, c'est même pas ça. Non, oui, c'est un peu le même principe, mais c'est pas le mot qu'on cherche, évidemment. Si vous avez la bonne réponse, 6322, n'hésitez pas. On avait proposé un concierge également, c'est pas ça non plus, évidemment. 6322, ah oui, vous débutez le message avec la réponse. Mais oui, dans une cage. 6322, c'est 1 € le message. Bonne chance. Et là, on est en retard, 7h11. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Eh oui, Fun Radio paye vos factures tous les matins sur Fun Radio. Pour ce faire, c'est simple, suffit de s'inscrire, comme je le disais, 6322, en débutant le message par facture, tout simplement. On va pas chercher non plus, on va pas chercher trop loin. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous êtes rappelé en direct à 7h10 tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10. Et on appelle qui ce matin? Je ne sais pas. Et combien? 26. Ah oui, celui que je dis pas cher, m'étonne pas. Savoir que c'est Toff qui gère les comptes. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin? Mickaël. Eh oui, bien joué. Bon, alors dis-moi, c'était une facture pour vous a priori, donc ça c'est plié. Et qu'est-ce que j'allais dire? Comment tu t'appelles? Brigitte. Bonjour Brigitte. Eh ben écoute Brigitte, on va te rembourser ta facture, alors il y a pas de problème, hein. Tu fais quoi? T'es dans quelle ville Brigitte? À Liège. À Liège, et tu es déjà dans la voiture a priori? Oui, mais j'ai le Bluetooth, donc d'accord. Je ne suis pas dangereuse. Y a pas... Non, non, c'était juste une petite remarque par rapport au son dégueulasse que nous avons, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est le Bluetooth, elle te l'a dit. Tout à fait. Bon, eh ben écoute Brigitte, reste au standard, on prend tes coordonnées pour te payer tout ça rapidement, d'accord? C'est gentil, merci. Salut Brigitte, à bientôt. Salut, bon, voilà. À bientôt, merci. Bonne chose de faite. Dans un instant, on appellera également quelqu'un pour la devinette qui colle. Et puis si comme Brigitte, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture dans moins d'une heure, 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Et dans un instant, c'est Maroon 5 avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Quelqu'un proposait un radiateur ou un eucalyptus. Quelqu'un proposait aussi une souris, ce n'est donc pas une souris. Pour la devinette qui colle, bizarre. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. On parlera d'incroyables talents dans quelques instants. Et oui, vous imaginez de quoi on va parler, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a regardé à la télé, tout ça. Enfin bref, 7h18 sur Fun Radio dans un instant. A+, avec Enjoy Yourself. Et on nous signale un contrôle routier, route de Mons à Charleroi. Donc levez le pied si vous êtes dans le coin. On sait jamais que vous passiez un petit peu trop rapidement. Voilà, par exemple. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un accident, d'un bouchon, d'un radar, n'hésitez pas à nous le signaler également au 3044 ou alors sur le mail mikael@funradio.be. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle, mais avant cela, passons maintenant à l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Et comment va Doudou ce matin? Oh, bah ça va. Bon, bah tant mieux alors. Oh, petite voix quand même, Doudou. Ouais, bah, vous avez bien quelque chose à nous raconter, non? Ah non, rien du tout. Même pas un petit rêve sympa, quelque chose? Bah, vous avez cru que je venais ici pour raconter ma vie ou quoi? Bon, on fait l'horoscope là? Bah, donc, qu'est-ce qu'il y a de mauvaise humeur alors? C'est dingue ça. Dis donc, faut pas demander. Hein. Déjà, quand il est de bonne humeur, ton signe est pourri, mais alors quand il est de mauvais poil. Oh, je veux même pas imaginer. Bon, peut-être même que je sortais du studio. Peut-être que je sors du studio. Peut-être. Les béliers. Vous avez tendance à être trop généreux. Surveillez vos rapports avec l'argent. Ah bon? D'accord, ok. Bah, tu peux nous prendre un café, tiens, Julie, si tu veux. Comme tu vas quand même sortir. Les taureaux. C'est une bonne période pour nouer de nouveaux contacts et forger de nouveaux projets. Les gémeaux. Sautez sur chaque occasion pour prendre le meilleur de cette journée. Ah bah les cancers justement, comme je dis. Oh là là là là. Apprenez à mieux présenter votre travail auprès de vos supérieurs. Ils trouvent que ce que vous faites, c'est de la merde. Voilà, les lions. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas trop bien en étant sous pression, alors demandez plus de temps pour faire les choses. Les vierges. Faites-vous plaisir aujourd'hui. Ouais, c'est une bonne idée, tiens. Les balances. Même si, si elles vous paraissent non productives, faites des pauses. Et les scorpions. Pas de chance en amour, mais de la chance au jeu aujourd'hui. Ah, c'est déjà ça, les sagittaires. Avec plus de tact, vous atteindrez plus vos objectifs. Les capricornes. Malheureusement, c'est plus facile de résoudre un problème que vous ne l'avez pensé. Les verseaux. Croyez en vous, pardon. Profitez de cette phrase de grande créativité au mieux. Et les poissons pour finir, Dodo. Un ami a une bonne idée que vous devriez écouter. Eh ben, c'est, en général, il vaut mieux. Hein. Ah, mais bon, oui. Très bien, merci Dodo, on vous retrouve dans une heure. Ah bah de rien, oui, à tout à l'heure. Très bien, et à 7h21 sur Fun Radio, on va écouter le son de A+, maintenant, Enjoy Yourself sur Fun Radio. Bonne matinée. Le son des plus à l'instant avec Enjoy Yourself, 7h23 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, dans un instant c'est Remedy avec Manuel qui arrive aussi avec The Way You Are. Et puis nous avons maintenant avec nous Valérie. Nathalie. C'est ça, presque. Salut Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Vous, tu viens d'où? Oui, oui, très bien. Tu viens d'où Nathalie? De Bruxelles. De Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles. Tu as quel âge Nat? 40. Très bien. Alors attention, je te rappelle la devinette qui colle. Il est enfermé dans une cage, mais il n'est pas sauvage. S'il peut rendre certains phobiques, les paresseux le trouvent tellement pratique. Qui est-il ? L'ascenseur. Eh ben, c'est l'ascenseur, exactement. C'est une bonne réponse. Ça te permet, de repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Que choisis-tu ? L'écran plat. L'écran plat. Eh ben, l'écran plat, il est pour toi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je te fais des bisous. Merci, bisous à toute l'équipe. Salut, salut. Oui, oui, tu restes en standard, surtout ne bouge pas de là. Gros bisous et bonne journée, Nathalie à Bruxelles. Ciao, bye bye. Bon, et puis bah, les autres, on va remettre une petite énigme en jeu d'ici quelques instants avec évidemment encore des écrans plats ou des packs Nintendo Wii. Et si vous n'étiez pas devant votre télé hier soir, évidemment, vous avez raté incroyable talent. Non, non, non, non, sur Plug. Et surtout, vous avez raté Georgine. Un prénom bien rock'n'roll. Et oui, à 59 ans, elle n'a pas que ça de rock'n'roll d'ailleurs. Petite présentation de Georgine, écoutez bien. Je suis chanteuse, comédienne. Donc régionalement parlant alors. Non, je chante partout. Hein. Vous chantez partout. On me demande. Ah d'accord. Et on vous demande beaucoup. Oui, surtout chez les rugbymen. Et oui, surtout les rugbymen, évidemment. Hein. Et voilà. Oui, j'aime les hommes musclés. Dit comme ça, on pourrait croire quand même qu'elle fait les ouvertures de match, genre les Black Eyed Peas au Super Bowl, etc. Mais pas du tout, pas du tout. En fait, elle fait ça. Je fais les troisièmes mi-temps de rugby. Ah, d'accord, ok. C'est perverse, ça. Hein. Oui, du calme, Gilbert. Il est en pleine forme, lui. Hein. Bon, elle a 59 ans quand même, faut le savoir. Alors maintenant que vous savez tout ça, je suis sûr que vous n'avez qu'une seule envie. Entendre ce qu'elle chante, justement, cette sacrée Georgine. Mais oui. Alors, je vais vous mettre un petit peu plus loin parce que là, on se rend pas vraiment bien compte. Hein. Oui, bah oui, bah, il aura mieux fallu que elle reste sans voix, mais écoute un peu plus loin. Et oui, alors attention. Ouais, et sinon ? Oui, ah bah sinon. C'est très recherché. Tu pollues. Voilà, ah ouais, non, je trouve ça bien. Hein. Grosse prod, on sent c'est que. Très putain, actuel. Y a... Ah oui, très actuel. Y a non, un mais... peu du techno comme ça, oui, dance. C'est derrière. Vrai. Ouais. Non, mais on est en train de critiquer, mais on a quand même justement. On ne critique pas du tout. On a l'explication du mari de Georgine. J'ai fait de l'électro. J'ai pas fait de la chanson. Oui, il a fait dans l'électro, pas dans la chanson. C'est pour ça que ça fait pop, let. Voilà. En tout cas. C'est merveilleusement bien. Oui, ça va faire plaisir à tous les mecs qui font de l'électro, ça c'est clair. Vous êtes moderne, mais il n'y a pas de texte. Voilà, il n'y a pas bra bra bra. Bon, pas très bien compris ce qu'il a voulu dire, monsieur, mais enfin bon, c'est pas très grave au final. Hein. Non. Voilà, c'est ça. Donc, et on va quand même lui demander. Il y avait quoi, Robert ? Ah, c'est ça, oui, d'accord. Okay. Donc, comme ça, on a bien compris. Hein. Bon, on va peut-être prendre l'avis de Sophie également. Hein. Mais c'est tout à chier, là. Ah oui, c'était à chier. Ben voilà, comme ça, on sait tout. Hein. Merci, Sophie, pour cette petite remarque qui, ma foi, est quand même très. J'ai fait de l'électro. Non, pas du tout. J'ai pas fait de la chanson. Voilà. Un tube. Et voilà. Au moins ça te reste dans la tête. Hein. Ça c'est clair. Le son de Remedy à l'instant sur Fun Radio avec Manuel, c'était The Way We Are. 7h29, bon réveil dans un instant DJ Fresh. Et puis je vous rappelle, je vous annonce plutôt la nouvelle énigme qui va vous permettre de repartir peut-être avec un écran plat. Une grande nouvelle telle que vous annoncez. Pas du tout. Écran plat gagné ou pack Nintendo Wii, écoutez bien, c'est le synonyme de gros par qui on jauge les bateaux. Mais si vous êtes dans l'auto, moins vous en faites et mieux ça vaut. Qui est-il ? Si vous avez la bonne réponse, en général, quand on en fait en voiture, il n'en reste plus rien. Voilà, c'est. On tourne comme ça sur. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut faire j'ai envie... du vin là-dedans. Oui, et c'est ce que j'allais dire également, du vin, etc., etc. Alors, si je l'ai trouvé, tout le monde peut la trouver. Je pense, effectivement, parce que bon, il faut quand même savoir que je n'ai pas très fut-fut, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est le synonyme de gros par qui on juge les bateaux. Mais si vous êtes dans l'auto, moins vous en faites et mieux ça vaut. Qu'est-ce que c'est ? 63,22, c'est 1€ le message. Et si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, un écran plat pour vous ou alors le pack Nintendo Wii. Et dans un instant sur Fun Radio, DJ Fresh, histoire de bien vous réveiller en vous sortant du lit là, ce sera Louder sur Fun Radio. Mais avant cela, il est 7h30, évidemment, on va passer à l'info avec Julie. Bonjour à tous, la zone euro respire ce matin. Après 10 heures de négociations, les dirigeants européens ont trouvé un accord cette nuit pour sortir de la crise de la dette. Les banques vont être recapitalisées à hauteur de 106 milliards d'euros et la dette de la Grèce sera divisée par deux. Les pays de la zone euro ambitionnent tous d'adopter d'ici fin 2012 des règles d'or budgétaires pour ancrer dans leur législation l'objectif d'un retour à l'équilibre des des comptes publics. Ce matin, les bourses asiatiques, le pétrole et l'euro accueillent favorablement les annonces en provenance de Bruxelles. Les bourses asiatiques sont en hausse à l'ouverture. La Belgique confirme ses engagements budgétaires. Les négociateurs fédéraux et les ministres présidents des régions ont confirmé qu'ils respecteront les engagements budgétaires à l'égard de l'Union européenne, à savoir une limitation du déficit public à 2,8% du PIB en 2012. Les négociateurs se retrouveront aujourd'hui à 10h45 en séance plénière pour poursuivre les discussions sur les chapitres socio-économiques examinés en groupe de travail. Les soins de santé coûtent plus cher et les soins médicaux sont parfois si chers que certains patients s'abstiennent de soins. Un Belge sur 5 renonce à se rendre chez le médecin quand il est malade. Dans 4 cas sur 10, c'est le coût des soins qui est évoqué. Dans le même temps, les prix des soins de santé ont subi une augmentation de 3,4% par rapport à 2009. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des suppléments d'honoraires et les frais liés à une hospitalisation varient fortement selon les régions. À Bruxelles, les soins de santé coûtent plus cher qu'en Flandre ou en Wallonie. 1 million d'euros débloqués pour la création de 400 places d'accueil de SDF durant l'hiver. En 7 ans, le nombre de places d'urgence durant l'hiver a été quasiment multiplié par 10. Environ 40 000 nuitées ont été enregistrées l'hiver dernier à Bruxelles, soit plus du double de nuitées dans l'ensemble de la région wallonne. Selon la ministre bruxelloise de l'aide aux personnes, Evelyne Heutebroek, la région bruxelloise est confrontée à une véritable urgence humanitaire qui est aggravée par le flux de demandeurs d'asile et l'incapacité de faits d'asile à y faire face. Et puis enfin en sport, en 8e de finale de Coupe de Belgique, on retiendra qu'Anderlecht a été éliminé 1-2 par Ruppelbaum, un club de Détroit. Même sort pour le Cercle de Bruges et Genk, tous deux éliminés également. Le Standard a battu Zulte Waregem 1-2, Courtrai a battu Saint-Tron 1-0 et la Gantoise et l'UFC Bruges se sont séparés sur un match nul 4-4. 7h33 sur Fun Radio, bienvenue si vous venez de débarquer, on est ensemble jusqu'à 9h30. DJ Fresh va débarquer aussi avec Louder et puis nous parlons maintenant de météo. Toujours une belle journée avec quelques petits nuages mais inoffensifs, température de 12 à 17 degrés et même jusqu'à 18 degrés demain. On annonce un temps sec jusqu'à lundi. Oh, le retour de l'été, ça fait plaisir. N'exagérons pas. Oui, c'est vrai que l'été était plus ou moins à 18 degrés aussi, donc oui, c'est vrai, c'est un petit peu ça. Retour de l'été, je rappelle qu'on est le jeudi 27 octobre et qu'on change l'heure ce week-end, donc n'oubliez pas, on aura l'occasion de vous en reparler évidemment demain. Allez, l'info en plus. Alors l'info en plus, il faut se rappeler que par exemple en mai 68, pour ceux qui n'étaient évidemment pas nés à ce moment-là, moi, ni ceux autour de cette table, ni beaucoup d'auditeurs d'ailleurs. Toff était un peu né, hein. Toff était un peu né en 68. Eh bien les féministes, si tu dois t'en rappeler, alors Toff évidemment une image qui a dû te marquer, les féministes brûlaient leur soutien-gorge sur les barricades pour se... Julie va faire pareil ce matin. Pour se libérer, attends, tu vas voir l'info plus loin, pour se libérer d'une société bourgeoise et misogyne. Bon ça c'est pour le petit rappel historique. Eh bien aujourd'hui, une société japonaise propose à ses clientes de brûler également leur soutien-gorge, mais pour une raison bien particulière, et c'est pour sauver la planète en fait. Elle propose de les recycler en carburant écologique. Alors, la société s'appelle Triumph International et donc elle conçoit une énergie verte et en brûlant les soutiens-gorge, elle utiliserait moins de charbon et donc forcément elle rebalancerait moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors, évidemment, la motivation est louable, bonne idée, l'écologie, tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est que selon un sondage, 61% des japonaises sont pas franchement hyper motivées à l'idée de brûler leur soutien-gorge, tout simplement parce que les municipalités demandent à ce que les soutiens-gorge soient mis dans des sacs transparents et donc déposés dans la rue pour être récoltés. Alors, afficher comme ça leurs sous-vêtements, on les connaît déjà un petit peu de prudes, les Asiatiques. Ouais, elles sont un peu prudes. Ça dépend lesquelles, cela dit. Alors, elles sont pas super emballées par l'idée, alors que c'est une chouette initiative de brûler ces vieux soutiens-gorge au lieu de les jeter bêtement. Voilà. Ouais, alors que Julie va nous montrer ses seins et sans problème. Mais bien sûr, évidemment, elle n'est pas prude. Je ne parle pas de montrer les seins, je parle de montrer les soutiens-gorge. Ouais, c'est déjà ça de prix. Bon, déjà ça. Sinon, juste pour revenir au niveau du sport, j'avais bien raison tout à l'heure. Hein, c'est bien la Gantoise qui a gagné face à Bruges. 4-4 certes, mais il y a eu des pénalties forcément pour départager. Ouais, et ça a fini 5-3 pour la Gantoise. Oui, parce que c'est une coupe et pas un championnat. Voilà. Mais Julie nous comprend encore très bien tout ça. Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai les informations du soir, qui est quand même une référence. Oui. Et c'est ce qui m'indique. Donc, je m'excuse, je vais régler ça tout de suite. Voilà, tout simplement. Mais je l'avais dit tout à l'heure. Mais oui, mais on n'écoute jamais les plus intelligents que soi. Moi, je voulais pas. Mais ils sont où les plus intelligents que moi? Regarde devant toi, là. Où ça? Regarde. Voilà. Le son de DJ Fresh sur Fun Radio, c'était Louder, 7h39. Bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous rappelle la devinette qui colle, c'est le synonyme de gros par qui on jauge les bateaux. Mais si vous êtes dans l'auto, moins vous en faites et mieux ça vaut. Proposer de la boue, ce n'est pas la bonne réponse bien évidemment. Si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas un volume non plus. En général, on peut mettre du vin dedans, mais... Bah effectivement, moins vous en faites en voiture, mieux ça vaut, car après déjà la voiture est complètement pétée. Et surtout, bah vous risquez aussi d'avoir la tête à l'envers. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message, écran plat à gagner dans quelques minutes. Ou alors le pack Nintendo Wii. Et nous avons en direct de Louvain-la-Neuve, pour les 24 heures alcool, notre ami Sébastien Loeb. Salut. Comment ça va? Ça sent la pisse ici, hein. Comme Julie m'avait dit, confirme, ça pue le pipi. C'est normal, c'est Louvain-la-Neuve, 27 octobre. C'est une dame qui est en train de nettoyer. De toute façon, ils savaient pas où c'était déjà avant. C'est bizarre, parce qu'ils sont donc, dans une allée, comment est-ce qu'on appelle ça, à l'accueil d'un building, d'un appartement, en fait. Ouais. Et ils dorment avec des vestes, avec des tapliers, mais... Ah bah c'est normal, ils sont vraiment, fatigués. Vraiment, ils sont figés. Quoi. Ils ont cuvé toute la nuit, alors forcément. Très bien. Parfait. Donc là, ils vont s'énerver, ils vont trapper, mais c'est très bien. Après, je trouve. Oui, parce qu'il t'habille en lapin, évidemment. Oui, donc. Oui c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il continue à crier? Je sais pas. Pour être sûr que les mecs entendent bien. Les mecs ils doivent rien comprendre, complètement bourrés. Continuez, c'est... Je crois que les mecs se sont pas encore réveillés. Pourtant avec un mec, un lapin qui... Ou alors il a décampé là. Là, s'ils sont pas réveillés. Ouais, là, ouais. Bon, Loeb. Loeb. Oui. Ça y est, ils sont réveillés. Ils sont réveillés en sursaut. Sans déconner. C'était trop mort. Il aurait fallu voir un rire. Ah, oui, tu m'étonnes. Mais ils t'ont pas poursuivi, là? Non, ils m'ont regardé. Et après, ils se sont repoussés, mais ils ont sursauté, en tout cas. Et oui, Loeb est essoufflé. Et oui, l'homme est fatigué, mais c'est normal en même temps. Hein. Bon, bah là, je suis déçu là. Je pensais qu'il y en a. Oui, ça c'est le problème. Mais je suis déçu. Je pensais qu'il y en a un qui allait te frapper ou quelque chose, mais non, déception totale du public. Ils n'ont même pas réagi, hein, pas un mot. Bon, on va te laisser décéder tout seul, l'homme. Hein. Ok, ça va. Allez, bon décès. Hein. Bon décès. À tout à l'heure pour la déclaration express. Hein. Il a l'air. S'il a encore un peu de souffle pour chanter. Oui, c'est pas gagné, effectivement. Bon, on va s'écouter Lucenzo et Don Omar dans un instant avec Danza Kuduro. Et on nous signale aussi un bouchon depuis le haut de Courcelles tout le long de la Winston Churchill jusqu'au rond-point de Gosselies. Merci à Jean-Marc de nous préciser ça. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 7h46 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 et apparemment il y a des auditeurs aussi, c'est Milena et Kevin qui nous disent boucher, boucher, boucher, Arcane Vernivelle. Kiss pour vous Milena et Kevin. Bah merci à vous deux donc. Et Julie, a d'autres informations trafic? Objet encombrant sur le 40, Gand en direction de Bruxelles à hauteur de Wetterhans, au kilomètre 30.5. Très bien, donc si vous êtes sur la route là, sur cette route là en particulier, faites gaffe. Je vous rappelle également que vous pouvez faire comme Kevin et Milena par exemple. Eh bien, nous envoyer un petit message si vous êtes témoin d'un problème, accident, n'importe quoi, un bouchon ou même un radar, 3044 par SMS, ou alors vous nous envoyez un petit mail, hein, là, c'est gratuit, mikl@funradio.be. Il est l'heure maintenant de faire un tour du côté de la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio à 7h, 8h et 9h moins quart. Et nous écoutons maintenant les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou. Ligne anti-relou, bien sûr, qui est faite pour quand vous rencontrez un relou, forcément. Mais ça peut fonctionner aussi quand vous ne voulez pas forcément donner votre vrai numéro à votre patron, à votre boss, à la police, à votre directeur, à votre prof, peu importe. Vous pouvez donner le numéro de téléphone de la ligne anti-relou, car au final, ils sont aussi un petit peu relous. 0-473-86-00-13, premier message. Ouais, Julie, de Fun Radio. Bonjour, je te crois, je t'arrache ta culotte. Vas-y, moi les informations, vas-y. Ah, lui il est en kiff alors, hein, par contre. L'info arrive d'ailleurs, hein, c'est la bonne nouvelle pour toi. Hein. Prépare-toi. C'est ça. Bon, deuxième message. Oui, c'était Jean-Pierre. Bah, écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais on se voit. J'avais dit d'être attendre devant le café de la gare. Ça fait une heure et demie que j'y suis. J'attends, je fais déjà mon cinquième café, donc je commence un peu doucement à avoir marre. Est-ce que tu crois que on pourra se voir un jour quand même? Parce que, bon, ça commence à... Ouais, j'attends. Allez, arrête le café. Par contre, j'attends toujours le mien, Tof. Je t'ai dit que je l'ai changé contre du sucre. Ouais, mais contre du sucre, si tu veux, c'est pas non plus le plus motivant. Mais je te le ferai pendant les infos. Oh, c'est vraiment dommage. Pourtant, c'était un bon sucre. Ah oui, non. Ah ouais. Venant tout droit des États-Unis, il a fait la honte. Le sucre qui est diététique parce que Mickaël est en plein. Exactement. Je suis au régime. Voilà. Mickaël est gros comme un ballon. Exactement. Si oui. Vous êtes un auditeur que vous voulez nous apporter des croissants, des pains au chocolat, des boules de Berlin, je il ne résiste pas. Ah bah alors là, vous pariez que je résiste pas. Café, n'hésitez pas. Quand je suis motivé, j'en ai rien à foutre. Alors là, t'inquiète pas. Surtout quand on me met au défi, c'est encore pire. Bon, la ligne anti-relou revient tout à l'heure, évidemment, sur Fun Radio. Et dans un instant, on va appeler chez Deleuze. Voilà, le temps d'écouter Lucenzo et Don Omar sur Fun Radio. Danza Kuduro. Le son de Lucenzo à l'instant et Don Omar. Danza Kuduro à 7h52. Je vous rappelle que si vous aimez ce style de musique, il faut bien sûr être au rendez-vous tous les vendredis soirs, entre minuit et 1h du mat, avec l'Invasion Latina. C'est avec Manu sur Fun Radio. Et nous allons vous signaler également, c'est Anaïs qui nous envoie un message qui dit accident, camionnette obstruant la troisième bande à hauteur de Nivelles Sud vers Bruxelles sur la E19. Si vous êtes dans le coin, faites gaffe. Merci Anaïs pour le message. Et puis nous allons maintenant continuer à appeler chez Deleuze, hein, puisque bah, forcément, voilà, on avait appelé tout à l'heure, apparemment publicité mensongère. Mais tout à fait, tout à fait. Attends, c'est-à-dire qu'ils ont vendu... comment dire, que les Black Eyed Peas, Lady Gaga, Justin Bieber seraient dans mon Deleuze. Non, ils ont dit que c'était des cartes à télécharger, hein. Oui, c'est pareil, c'est de la pub mensongère, ils m'ont menti, et d'abord ils ont dit qu'ils seraient là, et après ils ont dit qu'il y avait des cartes à télécharger. D'accord. Bon, allez, on va où? On va à Bruxelles cette fois-ci, on a été à Spa tout à l'heure, on appelle à Bruxelles. Allons à Bruxelles. Allez, c'est parti, appelons direction Brussels, la capitale. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, voilà, je vous appelle parce que vous m'avez menti. Vous m'avez dit des choses pas vraies. Et ça, c'est pas bien. Et c'est? Vous aviez dit que les Black Eyed Peas, ils seraient dans mon Deleuze. Eh ben, je suis allé dans mon Deleuze. Et ils n'étaient pas là. Madame, c'est pas moi, hein. Et c'est qui, alors? Moi, je veux savoir qui c'est qui m'a menti. Parce que moi, je veux rencontrer les Black Eyed Peas, maintenant. C'était pas moi, hein, madame. Et c'était qui? Je ne sais pas. Ben oui. Eh ben, c'est pas bien. Aux envoyeurs. Connasse. Oui. Dites-moi. Eh ben, moi j'ai écouté la publicité à la radio. Et la publicité à la radio, elle disait que les Black Eyed Peas, ils m'attendaient dans mon Deleuze. Eh ben, oui. Je suis allée. Et ils étaient même pas là. Ah oui, mais si vous avez fait des achats, vous avez reçu des petites cartes où vous pouvez télécharger de la musique, monsieur. Oui, mais donc... ça c'est juste de la musique. Moi, la pub, elle disait qu'ils étaient là. Et je suis allée et ils n'étaient pas là. Oh, d'accord. Ben écoutez, je vais prendre note de votre remarque et je vais noter vos coordonnées. Vous me donnez votre nom? Oui, alors c'est Tof. T-O-P-H. Votre numéro de carte? Mon numéro de carte quoi? Carte plus? Mais j'ai pas de carte, moi, madame, j'ai 15 ans. Et vous n'êtes pas client chez Deleuze? Bah non, moi, je suis allée parce que ça disait qu'il y avait les Black Eyed Peas, mais c'est tout. D'accord, eh bien, je vais transmettre votre remarque à la direction, monsieur. Oui, parce que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, madame. Il faut leur dire. Je leur dirai. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Au revoir. Ils se sont foutus de ta gueule, mais quand même assez violemment. Hein. Un petit peu, oui. Je pense que tu as peu de chance d'avoir des nouvelles. Hein. Il y a vraiment peu de chance, par contre, effectivement. Eh ben, c'est pas bien. Non, c'est mal. C'est très mal. Bon, oui, on rappellera tout à l'heure. 7h55, Rihanna sur Fun. Le son de Rihanna à l'instant, We Found Love. Il est 7h57 et nous allons retrouver à nouveau, avant de vous rappeler la devinette qui colle, nous allons de nouveau retrouver Sébastien Loeb pour un réveil à Belgique exceptionnel, puisque nous l'avons fait d'habitude, comme d'habitude, à 7h40. Mais là, il se trouve sur la Grand Place à Louvain-la-Neuve où tous les étudiants sont en train de prendre un petit déj. C'est bien ça, Loeb? Ouais, c'est ça. Ils sont en train de prendre un petit déj à base de croissants et de bières. Donc, c'est fournissant. Ouais, c'est ça, oui. Café évidemment, ouais, bah, c'est mieux bière. Très bien, en tout cas. Bon, très bien. Alors, réveillons la Belgique, réveillons Louvain-la-Neuve maintenant, 105.5 pour écouter Fun à Louvain-la-Neuve. Et attention, tous les étudiants morts torchés, mais c'est pas grave, sont là, disponibles et ne crient pas dans le mégaphone. Ah là, là, là, par contre là il se fait déglinguer. Savoir qui est habillé en lapin, hein. Et que vu comment il est en train de courir. Mais pourquoi t'as crié? C'est dingue ça quand même. Le propre du mégaphone, c'est de crier pour toi, ne crie pas encore dedans. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Comment? Allô? Oui, t'es oui, à l'aube? Oui. Bon, très bien. Mais pourquoi t'es pas resté avec eux? Il a peur. Bah, je suis tout près de là, je suis pas loin d'eux en fait. Ah bon, bah va prendre le petit-déj, profite-en, tiens, nous, si on était à ta place, c'est ce qu'on ferait en tout cas. Voilà, Louvain-la-Neuve est réveillé. A tout de suite, Lob, pour la déclaration express. Louvain-la-Neuve est réveillé, ça y est, pour les 24 heures gerbe, hein, ou alcool, ouais. Vous appelez ça comme vélo, vous voulez. Vélo, c'est vélo. Ah, c'est ça, pardon, c'est ça, pardon. J'avais oublié. Je précise. Hein, je voulais rappeler à Lob de pas oublier de nous amener des croissants. Bien évidemment. Bon, je vous rappelle la devinette qui colle pour gagner l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. C'est le synonyme de gros. Par qui on jauge les bateaux, mais si vous êtes dans l'auto, moins vous en faites et mieux ça vaut. On proposait un radiateur. Non, c'est là-dedans qu'on conserve le vin aussi. On conserve le vin effectivement dedans, hein, Porto, tout ça, etc. Donc ce n'est pas un radiateur. Hein. Je ne sais pas quel est le rapport avec le radiateur, mais on l'avait proposé. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1 euro le message et surtout peut-être pour vous l'écran plat dans un instant, l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. Et dans un instant sur Fun Radio, Likili arrive dans Mickaël à la radio. Ce sera I Follow Rivers. Et là, il est 8h pile. On va pouvoir enchaîner maintenant avec l'info de Julie. Bonjour à tous. La zone euro respire ce matin. Après 10 heures de négociations, les dirigeants européens ont trouvé un accord pour sortir de la crise de la dette. Les banques vont être recapitalisées à hauteur de 106 milliards d'euros et la dette de la Grèce sera divisée par deux. Les pays de la zone euro ambitionnent tous d'adopter d'ici fin 2012 des règles d'or budgétaires pour ancrer dans leur législation l'objectif d'un retour à l'équilibre des comptes publics. Ce matin, les bourses asiatiques, le pétrole et l'euro accueillent favorablement les annonces en provenance de Bruxelles. Les bourses asiatiques sont en hausse à l'ouverture. La Belgique confirme ses engagements budgétaires. Les négociateurs fédéraux et les ministres présidents des régions ont confirmé qu'ils respecteront les engagements budgétaires à l'égard de l'Union européenne, à savoir une limitation du déficit public à 2,8% du PIB en 2012. Les négociateurs se retrouveront en séance plénière à 10h45 pour poursuivre les discussions sur les chapitres socio-économiques examinés en groupe de travail. Les soins de santé coûtent plus cher et les soins médicaux sont parfois si chers que certains patients s'abstiennent des soins. Un Belge sur 5 renonce à se rendre chez le médecin quand il est malade. Dans 4 cas sur 10, c'est le coût des soins de santé qui est évoqué. Dans le même temps, les prix des soins de santé ont subi une augmentation de 3,4% par rapport à 2009. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des suppléments d'honoraires et les frais liés à une hospitalisation varie fortement selon les régions. À Bruxelles, les soins de santé coûtent plus cher qu'en Flandre ou en Wallonie. Le complice présumé du jeune cambrioleur de 17 ans tué dimanche à Borkenhout a été placé en centre fermé. Âgé également de 17 ans, il a reconnu qu'il était présent lors des faits, mais a nié avoir fait usage de la violence. Le suspect s'était présenté hier matin à la police. Ses parents avaient auparavant pris contact avec les policiers. Le jeune avait pris la fuite après avoir agressé un vieil homme chez lui. Après les faits, il avait pris la fuite. Il était recherché depuis. À l'étranger, une masse d'eau colossale s'approche de Bangkok. Une masse qui descend inexorablement vers le golfe de Thaïlande, force les digues et fait déborder fleuves et canaux. De nombreux habitants de Bangkok fuient la mégalopole au début d'un week-end exceptionnel de 5 jours, décidé à la hâte par le gouvernement thaïlandais pour permettre à la population de faire face à des inondations historiques. Et puis enfin, en sport, en 8e de finale de Coupe de Belgique, on retiendra qu'Anderlecht a été éliminé 1-2 par Repelbo. Baume, un club de Détroit. Même sort pour le Cercle de Bruges et Genk, tous deux éliminés également. Le Standard, Courtrai et la Gantoise ont tous gagné leur match. Ouais, d'ailleurs, je voulais juste signaler aussi, parce que j'aime beaucoup la ville, que Bangkok, ils annoncent quand même, je ne sais pas si tu as dit, 480 000 piscines olympiques. C'est équivaut à ça. T'imagines un peu la violence ? Non, ça va être et nous, vraiment... Et nous, après, on se plaint. Oh, merde, fait chier, il y a trois gouttes qui tombent. Ça va être relou, vraiment là. Violent. Ouais. Ça va être très violent, à mon avis. Hein, donc bon. 8h03 sur Fun. La météo, justement, tiens. Pas de trompe d'eau prévue chez nous, en tout cas. Eh bien non, c'est un soleil, un beau soleil au-dessus de nos têtes. Quelques petits nuages inoffensifs. Température de 12 à 17 degrés. Demain, même jusqu'à 18 degrés. Et on prévoit un temps sec jusqu'à lundi. C'est ça, c'est cool. Liquidy arrive dans un instant. Ce sera I Follow Reverse. Et puis, je vous explique comment faire pour qu'on vous rembourse vos factures dans 5 petites minutes. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h04 et nous allons rembourser les factures dans un instant. 63-22 si vous voulez être parmi peut-être le sélectionné qui repartira avec le remboursement de sa facture dans un instant. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Il y en a qui sont arrivés, tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? 129€ pour Ospimut, 49,96€ pour des vêtements. Les 3 Suisses, 149€, 48€ pour l'électricité. Il y a également 82,58€ pour les 3 Suisses également. Le prêt compte immobilier à 264€. Remboursera Mastercard 1000€. Ah oui, quand même, hein, dis donc, tu t'es fait plaisir, hein, ou tu t'es fait plaisir, je ne sais pas, mais bon, c'est pas mal quand même. Bon, en tout cas, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, 63-22, débutez ce message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Ce sera peut-être chez vous qu'on va appeler d'ici 5 petites minutes. Bon, avant ça, évidemment, c'est l'info en plus. Quelle est l'info en plus ce matin, Julie? On l'attendait, ça y est, il a été créé, inventé et mis sur le marché, le déodorant pour pénis. Ah, eh bien, il faut rappeler que Julie a des petits problèmes de ce côté-là. Oui, moment. C'est vrai. Oui, mon pénis va très bien, merci. C'est encore le service 3BS. N'importe quoi. Alors, le Fresh Him, c'est son nom, rafraîchit et protège la zone intime. Donc, c'est pour vous, hein, les garçons. Il n'est pas peur des mots. Il est en vente depuis lundi aux Pays-Bas, au prix de 7€. Il tient dans une poche, donc il est assez petit. Deux vaporisations quotidiennes suffiraient à assurer la fraîcheur pour toute la journée. Et alors, l'inventeur de ce produit aurait même parlé de son projet à des connaissances dans l'armée. Les hommes seraient partants pour essayer le produit, surtout en mission, lorsqu'ils ne peuvent pas se doucher. Donc voilà, ça peut aider tout le monde, même ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc le déodorant pour pénis. Ouais. C'est ça, parce que parfois l'ennemi les sentait arriver comme ça. Et donc du coup, là, c'est ça. Bon, allez, on s'écoute le son de Licky Lee maintenant. I Follow Reverse sur Fun Radio. Tous les matins, on est ensemble jusqu'à 9h30. Et à 8h06, eh bien, Licky Lee, on l'écoute. Et on les remboursements de facture, c'est dans 3 minutes 38 secondes. Voilà, 63-22, code facture. Bonne chance, on appelle peut-être chez vous dans 3 minutes 32. Oh, voilà un petit message où je vois déjà Julie Gaffer. Oh, oh, oh, oh. Je vous écoute tous les matins dans la voiture sur la route pour aller à l'école à Nivelles. Je vous adore. Kevin, 10 ans. Oh, oh, oh, oh. Voilà, comme ça, c'est bien. Ouais, c'était à peu près ça que je m'attendais à ça, ouais. Bon, allez, remboursement des factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Exactement, on signale également un accident sur hâte à signaler école en feu. Ah oui, effectivement, ah, ça, c'est plus qu'un accident problème. Là, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, eh bien, on proposait une barrique aussi pour la réponse à la devinette qui colle. Non, pas du tout, un fût non plus, hein, ce n'est pas un fût à bière, hein, c'est en général, parce qu'on met pas du vin dans un fût normalement. Hein. Non, voilà. C'est plutôt, ouais, non. Il me semblait bien. C'est de la mousse. Bon, voilà, ben, comme ça vous le savez, la réponse à la devinette qui colle, c'est dans 5 minutes également pour gagner l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. Bon, on va appeler Nathan pour rembourser une facture, on va rembourser combien ? 49,96€, d'accord. Sinon, il y avait aussi Marianne qui proposait un remboursement de 50, presque 53€ pour vous, 100€ pour la redevance télé. Il y avait également 100€ pour vous encore. Mobistar, 35€. Et on appelle maintenant 49,96€. C'est ça, il y avait un 6 dedans, il me semble bien. Allez, si il ou elle décroche, c'est gagné. Oui, allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Qui paye les factures le matin ? C'est Fun Radio. Mais oui, c'est bien évidemment la condition sine qua non pour gagner, c'est de dire effectivement à la question Mickaël ou Fun Radio ou les deux. Là en l'occurrence c'est les deux, mais ça ne doublera pas la facture pour autant. Comment t'appelles-tu? France. Salut France. Tu appelles d'où France? J'appelle le Strombeek Bever. Strombeek Bever, yeah, c'est dans le Bruxelles, hein, 104.7, c'est dans le FM pour écouter la radio dans le Fun. Et bah écoute, bonne nouvelle, on va te rembourser ta facture de 49,96€. C'est pour payer quoi? C'est pour payer en fait une facture de 3 sous sur des vêtements. Ah d'accord, ok, très bien. Eh oui, bah écoute. Elle se promenait nue depuis un moment. Oui. Et là, c'est enfin, ça. Voilà, ça y est. Maintenant, faut bien l'habiller. Nous, s'habiller. Mais oui, comment tu t'appelles au fait? S'il vous plaît. Comment tu t'appelles? France. Ah oui, France, c'est ça. Et ton âge? J'ai 41 ans. Eh ben écoute, très bien, on va te payer tes vêtements 3 Suisses, alors il n'y a pas de souci, France. Je te fais c'est des bisous et reste au standard. Salut, salut. Et si vous voulez faire comme France, hein, que vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, eh bien on remet le couvert une dernière fois tout à l'heure à 9h10 sur Fun Radio. Et oui, toutes les heures, c'est comme ça que ça se passe. Au 63-22 pour les inscriptions, débuté par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et dans un instant sur Fun Radio, LMFAO sur Fun, Sexy and I Know It. Il est 8h12, bon réveil tout le monde, il y a l'horoscope qui arrive. Sexy and I Know It. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estelica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Radio. Fun. À la radio. Il est 8h17 sur Fun Radio tous les matins. On est en direct avec vous évidemment et nous allons prendre qui maintenant pour la réponse à la devinette qui colle. Nous allons prendre Christelle. Salut Christelle, comment vas-tu? Christelle Destine. Je vais très bien. Bon, ben bienvenue à toi Christelle. Nous allons maintenant peut-être t'offrir un écran plat ou un pack Nintendo Wii si tu as la réponse à la devinette qui colle. C'est le synonyme de gros par qui on jauge les bateaux, mais si vous êtes dans l'auto, moins vous en faites et mieux ça vaut. Qui est-il? Un tonneau. Eh oui, c'est un tonneau, effectivement. Si vous en faites, forcément, bah, il y a l'accident, évidemment, un drame. Et puis des tonneaux avec le vin, etc., etc. Bravo, Christine, c'est gagné. Tu repars avec l'écran plat ou le pack Nintendo Wii? Tu peux choisir. Eh bien, le pack Nintendo Wii. Nintendo Wii. Eh ben, on va te filer ça. C'est celui qui vient de Thaïlande, apparemment. Le Nintendo Wii. Nintendo Wii. C'est pas le vrai, quoi. Bon, on va te filer ça, il n'y a pas de problème. Je suis content que cette vanne n'ait fait rire que moi. Donc, au moins, c'est le principal, je me fais rire, tu vois, c'est le principal. Ouais, voilà. C'est un petit peu ce que tu fais tous les bon, matins. C'est ça. Je te fais rire, toi-même. Bon, Christine, je te fais des gros bisous. Et passe une bonne journée. Reste au standard, on prend tes coordonnées, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Salut, salut. Ciao à toi, Christine. À bientôt. Et on va passer à l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. L'horoscope avec Doudou, hein, qui était de très mauvaise humeur tout à l'heure. Mais enfin bon. Doudou, vous regardez les films porno, vous? Oh là là là là, non, du tout, pas du tout. Moi, je préfère les faire avec Marie Vanessa ou Marie Natacha, ça dépend. Ah, d'accord. Ah, mais vous avez bien raison, Doudou. Hein, parce que si vous regardiez trop de porno, vous pourriez par exemple avoir des problèmes d'érection. Elle a pas de souci. La poutre de Doudou, elle est toujours au gadam. Ah, merci pour cette précision, Doudou. Mais et sinon, pour les mecs qui nous écoutent, là, attention à pas abuser du YouPorn, par exemple. Hein, si vous voulez encore avoir de vraies relations, je dis ça, c'est pour vous aider. Oui, sinon, pour les filles qui auraient ce genre de mec à la maison, ne vous inquiétez pas. Ça va aller, Doudou. Je peux vous aider. C'est ça, on a compris. Non, bon. Mais moi, je peux les guérir. Je suis marabout, je vous rappelle. On a compris, on a compris. Allez, les béliers. Bon, d'accord, vous êtes pas très généreux. Non, mais vous étiez de mauvaise humeur tout à l'heure, fallait être de bonne humeur tout à l'heure. Voilà. Oh là là, là, les béliers. Là. Alors, les béliers, vous avez tendance à être trop généreux, pas avec moi en tout cas. C'est ça. Alors surveillez votre rapport à l'argent. Les taureaux. C'est une bonne période pour nouer de nouveaux contacts et forger de nouveaux projets. Les gémeaux. Sautez sur chaque occasion pour prendre le meilleur de cette journée. Les cancers. Oh là là là là là là. Oui, apprenez à mieux présenter votre travail auprès de vos supérieurs. Les lions. C'est n'importe quoi en ce moment. Les lions. Vous ne travaillez pas bien en étant sous pression, alors demandez plus de temps. Les vierges. Faites-vous plaisir, achetez un vibro. Mais oui, c'est ça. Les balances. Même si elles vous paraissent non productives, faites des pauses. Les scorpions. Pas de chance en amour, mais de la chance au jeu. Les sagittaires. Bah non, les sagittaires. Avec plus de tact, vous atteindrez mieux vos objectifs. Les capricornes. Malheureusement, c'est plus difficile de résoudre un problème que vous ne le pensiez. Les Verseaux. Croyez en vous, profitez de cette phase de grande créativité. Et les poissons pour terminer? Un ami a une bonne idée, vous devriez l'écouter. Très bien, merci Dodo, on vous retrouve dans une heure. Mais bien sûr, avec plaisir. Parfait, la déclaration express dans un instant sur Fun Radio, après le son de Mika, c'est Elle me dit, 8h20, bon réveil. Elle me dit le son de Mika sur Fun Radio avec Elle me dit, bon réveil et bienvenue tout le monde, il est 8h23 sur Fun Radio. Et dans un instant on écoutera Fatman Scoop avec Be Faithful. Mais avant cela, nous allons faire maintenant la déclaration express. On aurait dû avoir Youssef, comme d'habitude on n'arrive pas à joindre Youssef, mais c'est pas grave. C'est pas tout à fait ça. Ouais, mais enfin bon, disons que Lob a perdu son numéro de téléphone, voilà, donc du coup on n'arrive pas à le joindre, c'est bien ça? Oui, on n'arrive pas à le joindre. Ça mais... c'est quand même très bête quoi. Mais pour une fois, c'était pas la faute du mec. C'est vrai. Enfin, bon, c'est rien, on l'aurait peut-être appelé, ça n'aurait pas décroché, mais. C'est vrai. Bon, enfin cela dit, c'est pas grave, on va appeler Yasmina, c'est ça. Il voulait faire une déclaration express à Yasmina. On va donc l'appeler pour lui faire justement cette déclaration express comme prévu à la base. Bon, et puis il y aura une nouvelle énigme aussi dans quelques instants. Et message qui est arrivé aussi. Où est-ce qu'il est? Je vous écoute tous les matins pour aller au boulot, vous me mettez la pêche. C'est Sylvie, 47 ans, lol. Eh ben merci Sylvie, c'est gentil. Le lol, c'est parce qu'elle nous écoute ou parce qu'elle a 47 ans? Je ne sais pas. Allô Yasmina? Ah oui? Salut Yasmina, c'est Mickaël, ça va? Oui, ça va et toi? Bah ouais, ouais, tranquille. Hein. Tu sais où tu es là? Non. Non, bah je vais te le dire. Hein. Et, écoute, pas de problème. T'es en direct sur Fun Radio. Ah oui, carrément. Et je t'appelle de la part de Youssef. Tu connais Youssef? Oui. Eh ben oui, voilà. Il voulait te faire une petite déclaration express. Donc, déclaration express, écoute bien, c'est pour toi. Tu peux te mettre dans un endroit où t'écouteras bien? Ouais, ouais. Allez, écoute bien, écoute bien. C'est beau. Ah oui. Mais oui. C'est sexe. Yasmina, Yasmina. Chez moi, je te promets, je m'occuperai bien de toi. Ah, ah, car même si t'es à poil, tu crèveras pas de froid. Ah, non, Yasmina, Yasmina. Ah, ah, ah, ça doit faire 3 ans qu'on se connaît. Si je ne connaissais pas ton grand frère. Je crois que je sauterai sur toi. Pas mal pour une fois, y a pas des vulgoses. Hein. Bah non, j'avais très très peur. Hein. Ça change. C'est parce qu'il connaît le grand frère. C'est vrai. Yasmina, Yasmina, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite déclaration express? Yasmina. Ah, mais enfin bon, elle est à côté de l'église aussi. Yasmina. Elle sonne un peu tôt l'église. Hein. Yasmina. Yasmina. On va la reprendre en antenne et puis on lui enverra le son à la limite. Hein. Oui, c'est hein, sur son mail, simple. Je crois que ce sera plus simple. Bon, au moins, vous l'avez entendu, vous. Et si vous voulez faire pareil, si vous voulez faire une petite déclaration express à votre copain, à votre copine, à n'importe qui, à quelqu'un que vous ne... C'est pas encore votre copain ou votre copine, mais vous aimeriez bien, eh bien, vous n'hésitez pas, vous nous faites un petit SMS au 3044, 50 centimes le message. Vous débutez par déclaration ou vous faites directement un mail à lob, L-O-E-B, at funradio.be. Et puis à 8h26, on se fait Fat Man Scoop maintenant. C'est Be Faithful sur Fun Radio. Et voilà le son de Fat Man Scoop à l'instant, Be Faithful sur Fun Radio. Attention, c'est l'heure maintenant de tenter de repartir peut-être avec un nouvel écran plat. Nouvel écran plat ou le pack Nintendo Wii. Pour ça, c'est facile, il faut répondre à la devinette qui colle. Et oui, écoutez bien, il est parfois critique, il peut être invoqué, fort utile à l'équipe, sont très peu amusés. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, 63,22 par SMS, 1€ le message. Il y a donc, comme je le disais, un écran plat à gagner ou le pack Nintendo Wii, je répète. Il est parfois critique, il peut être invoqué, ça devrait vous aider ça, fort utile à l'équipe, sont très peu amusés. Qui est-il? Ce n'est pas un entraîneur, comme message vient d'arriver. 63,22, c'est 1€ le message, bonne chance. Et dans un instant, c'est Niro qu'on écoute. Niro avec Promises sur Fun Radio, ça va débarquer dans un petit instant. Mais avant ça, à 8h30, c'est l'heure de retrouver Julie avec les infos. Bonjour à tous, la zone euro respire ce matin après 10 heures de négociations. Les dirigeants européens ont trouvé un accord pour sortir de la crise de la dette. Les banques vont être recapitalisées à hauteur de 106 milliards d'euros et la dette de la Grèce sera divisée par deux. Les pays de la zone euro ambitionnent tous d'adopter d'ici fin 2012 des règles d'or budgétaires pour ancrer dans leur législation l'objectif d'un retour à l'équilibre des comptes publics. Ce matin, les bourses asiatiques, le pétrole et l'euro accueillent favorablement les annonces en provenance de Bruxelles. Les bourses asiatiques sont en hausse à l'ouverture. La Belgique confirme ses engagements budgétaires. Les négociateurs fédéraux et les ministres présidents des régions ont confirmé qu'ils respecteront les engagements budgétaires à l'égard de l'Union européenne, à savoir une limitation du déficit public à 2,8% du PIB en 2012. Les négociateurs se retrouveront en séance plénière à 10h45 pour poursuivre les discussions sur les chapitres socio-économiques. Les soins de santé coûtent plus cher et les soins médicaux sont parfois si chers que certains patients s'abstiennent de soins. Un Belge sur 5 renonce à se rendre chez le médecin quand il est malade. Dans 4 cas sur 10, c'est le coût des soins qui est évoqué. Dans le même temps, les prix des soins de santé ont subi une augmentation de 3,4% par rapport à 2009. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des suppléments honoraires. et les frais liés à une hospitalisation varient fortement selon les régions. À Bruxelles, les soins de santé coûtent plus cher qu'en Flandre ou en Wallonie. Le complice présumé du jeune cambrioleur de 17 ans tué dimanche à Borkenhout par la victime qu'il avait agressée a été placé en centre fermé, âgé également de 17 ans. Il a reconnu qu'il était présent lors des faits mais a nié avoir fait usage de la violence. Le suspect s'est présenté hier matin à la police. Ses parents avaient auparavant pris contact avec les policiers. À l'étranger, une masse d'eau colossale s'approche de Bangkok, d'un volume d'eau équivalent à 480 000 piscines olympiques. Une masse qui descend inexorablement vers le golfe de Thaïlande, force les digues et fait déborder fleuves et canaux. De nombreux habitants de Bangkok fuient la mégalopole au début d'un week-end exceptionnel de 5 jours décidé à la hâte par le gouvernement thaïlandais pour permettre à la population de faire face à des inondations historiques. Et puis enfin en sport, en 8e de finale de Coupe de Belgique, on retiendra qu'Anderlecht a été éliminé 1-2 par Ruppelbaum, un club de Détroit. Même sort pour le Cercle de Bruges et Genk, tous deux éliminés. En sort vainqueur, le Standard, Courtrai et la Gantoise. 8h33 sur Fun Radio, bienvenue. Si vous débarquez, il y a Niro qui arrive dans un instant avec Promises. Et puis on salue Samuel qui a d'ailleurs la bonne réponse à la devinette qui colle. Je vous adore, je vous écoute tous les matins. Merci Sam. Allez, météo maintenant. Toujours un beau soleil au-dessus de nos têtes, un temps sec, à prévoir d'ailleurs jusqu'à lundi. Température aujourd'hui de 12 à 17 degrés et même jusqu'à 18 degrés de bas. Tu m'entraînes dans la. Quel mytho, alors c'est exceptionnel. Les auditeurs ont bien compris qui parlait mal depuis ce matin. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Oui. Allez, passons maintenant à la devinette qui colle. Ah non, pas du tout, à l'info en plus. À l'info en plus, la devinette qui colle arrive dans un instant. D'ailleurs, on proposait le joker, ce n'est pas la bonne réponse hein, pour la devinette qui colle. On propose également l'humour, c'est Christophe, ce n'est pas la bonne réponse. L'arbitre non plus n'est pas la bonne réponse. Même Julie n'est pas la bonne réponse, c'est triste. Eh bien, moi, j'ai d'abord un petit rappel historique, surtout, puisqu'on parle de l'info. En plus, les féministes brûlaient en mai 68 leur soutien-gorge sur les barricades pour se libérer d'une société bourgeoise et misogyne. Eh bien, quelle aujourd'hui, belle période. On revient au brûlage des soutiens-gorges, mais pour oui, d'autres brûlons. Raisons. Brûlons les soutiens-gorges. Et pour une raison. Toutes les femmes en topless. Non, c'est pas tout à fait ça, en fait. Ah, c'est dommage, parce que c'est une bonne idée. C'est le fait de brûler les vieux soutiens-gorges, en fait, ceux que tu n'as plus. Ah, d'accord. Eh bien, c'est pour sauver la planète. Ça se passe en Asie, c'est Triumph International, une société au Japon. Eh bien, cette société propose aux Japonaises de récolter leur vieux soutien-gorge pour le transformer en une énergie verte. En fait, en brûlant le soutien-gorge, elles utiliseront donc moins de charbon et donc elles vont produire. Enfin, beaucoup moins de dioxyde de carbone qui sera rejeté dans l'atmosphère. D'accord, mais le fait de brûler soutien-gorge, je ne suis pas convaincu que ce soit moins nocif qu'autre chose, mais bon, après, pourquoi pas, hein, je ne sais pas. Bah écoute, en tout cas, c'est ce qu'elle propose, mais le petit problème, c'est que les Japonaises, eh bien, selon un sondage récent, mais non, pas soutien-gorge. 61% d'entre elles sont gênées, en fait, à l'idée de jeter leur soutien-gorge parce que les municipalités exigent qu'elles mettent ces soutiens-gorge dans des sacs transparents, tu vois, qu'on met après, qu'on dépose pour qu'ils soient récoltés. Ouais. Je me pose un peu la question. Pourquoi la municipalité demande absolument que ce soit des sacs transparents? Je ne sais pas non plus. Et donc, en tout cas, les Japonais sont un petit peu gênés, évidemment, d'exposer leur soutien-gorge à la vue de tous dans les rues. Bon, 8h35 sur Fun Radio, on proposait un avis, on proposait un juge pour la devinette qui colle. Non, je répète, il est parfois critique, il peut être invoqué, fort utile à l'équipe, sont très peu amusés. Normalement, la phrase qui dit il peut être invoqué, ça devrait. Hein? Mm-hmm. Oui. Ça devrait vous aider. Sinon, vous avez un autre indice? Fantôme. Certains n'en ont pas. C'est, oui, ça aussi, effectivement, oui. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Il y a donc des écrans plats à gagner ce matin. Ou alors les packs Nintendo Wii, bonne chance. Dans un instant, nous aurons Julien Derien en direct de Louvain-la-Neuve. Ça fait plaisir, hein, justement. Et à 8h36, donc, Niro avec Promises maintenant sur Fun Radio. Bon réveil, on est ensemble jusqu'à 9h30. Le son de Niro à l'instant sur Fun Radio, c'était Promises. Il est 8h39, bon réveil tout le monde. Jeudi aujourd'hui, le 27 octobre. Le soleil brille pour l'instant, tout va bien. On parlera de l'info d'ailleurs tout à l'heure, ce sera à 9h. La ligne anti-relou va débarquer également. Et je vous rappellerai l'énigme dans un instant. En tout cas, on proposait Maître, ce n'est pas la bonne réponse. Le temps mort n'est pas la bonne réponse non plus. On proposait également, où est-ce qu'il est message, je l'ai perdu. Maître, encore une fois, ce n'est toujours pas la bonne réponse. Bref, si vous avez la bonne réponse pour repartir avec un écran plat ou le pack Nintendo Wii 63 3-22, c'est 1 euro le message. Vous laissez la réponse justement et après on vous rappelle, bonne chance. C'est l'actualité aujourd'hui, c'est bien évidemment les 24 heures de Louvain la Neuve. Du coup on ne pouvait s'empêcher de demander à l'envoyé spécial de Fun Radio, Julien Derien, de couvrir l'événement. Julien, vous êtes bien à Louvain? Je ne sais pas si je suis à Louvain, en tout cas je suis à Siram. Et le vin aussi c'est bon, hein. Louvain. Oui, merci Julien. Dites-nous, vous êtes depuis quand? Depuis 8 heures. Ah, et vous y êtes arrivé depuis une demi-heure et... Non, 8 heures hier soir. Sinon je ne serais pas au top comme ça. Eh bah oui, c'est sûr, on voit bien en tout cas que vous êtes complètement bourré là. Donc parlez-nous un petit peu de l'événement quand même, puisque vous êtes là-bas aux 24 heures de Louvain, tout ça, Louvain-la-Neuve. Ce que j'adore dans cet événement, c'est que outre les coureurs sportifs qui essaient de réaliser le plus grand nombre de tours en 24 heures, on trouve des vélos humanitaires roulant pour une association humanitaire. Ah. Et en fait, sur chaque bière vendue, un pourcentage est prélevé et reversé ensuite aux gagnants de la catégorie humanitaire. Ouais, il est prévenu. Il est hors de question que je donne ne serait-ce qu'un % d'alcool à la sauce. Oui, mais enfin, c'est pas un pourcentage d'alcool, on parle d'un pourcentage d'argent. Enfin bref. Bon, au-delà de la course, c'est aussi une soirée avec des DJ, des invités, etc. Oui, alors là, par contre, là, on m'a dit qu'il y avait que du lourd en musique. Ouais. Et on s'est foutu de ma gueule. Hein. Ah bon? L'année dernière, c'était gala. Je voulais faire un désaillé. L'année d'avant, c'était Mano. Ouais. Je l'ai avalé, la. Et tout à l'heure, à 11h30, mesdames et messieurs, tout à l'heure, à 11h30, c'est Alan Théo. Oh putain, c'est pour vous venir en beauté, quoi. Alan Théo. Ouais. Je pense qu'à 11h30, les gens comme moi, ils vont lui balancer les croissants avec le petit déj de l'Oxfam. Hier soir, j'ai adoré DJ Miss Rox. Ah d'accord, oui c'est vrai, il paraît que le 7 était très bien. Le quoi? Le 7. Le 7? Oui, le 7. Bon bah écoute, le 7, elle était trop bonne, c'est tout. Eh taf, vas-y, va sur son site, c'est pas les platines que t'as envie de toucher. Oh putain, une paire de vinyle. Bon allez, bon on va arrêter là. Merci Julien en tout cas d'être passé ce matin. Hein. Rien, tu me remets une petite sœur. Oui, c'est ça, on va plutôt faire ça à ce moment-là. Voilà, Julien Derien que vous retrouvez bien évidemment l'envoyé spécial des vannes tous les soirs dans la tribu à partir de 17h. Ah, ce soir, il va pas être très beau. Oui, il risque de pas être super frais non plus, effectivement. Bon, David Guetta arrive dans un instant sur Fun Radio. En tout cas, on pourra pas dire qu'on n'a pas été live sur l'événement, hein. Les 24 heures gerbe, les 24 heures vélo, voilà, de Louvain-la-Neuve. On les aura bien vécu. Ouais, mais... ça c'est clair, hein. Surtout certains. Allez, bougez pas, 8h43 sur Fun. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 8h47 sur Fun Radio, bon réveil. L'info trafic maintenant, il se passe quoi sur les routes? Accident sur la 602 Loncin en direction de Chenay à hauteur de Anse. La bande de gauche est obstruée au kilomètre 4.2. Cela s'ajoute évidemment au fil habituel pour rejoindre la capitale. Évidemment. Et il y a Arnaud aussi qui nous a envoyé un petit mail qui dit comme hier, bouchon au revers Mons, il dit que c'est un accident plus travaux. Ah bah génial, les deux ensemble, c'est-à-dire que c'est pas du tout le bordel, tiens. J'ai aussi un accident sur le 19 Bruxelles en direction de Mons-Valenciennes à hauteur de Houdin-Gougny. La chaussée est partiellement obstruée, circulation fortement ralentie. D'accord, il nous signalait aussi un problème sur Nivelles Sud vers Bruxelles sur la E19. Donc c'est bien, parce que si vous venez de là-bas et que vous allez jusqu'à Bruxelles, vous allez ramasser deux bouchons. Ah voilà, parfait. Plus un petit flash qui sera là quelque part, certainement, à un moment ou un autre. C'est vraiment bien, tiens. Mais oui, comme ça vous êtes tout bien. Tout va là. Bien, quoi. Mais ah, oui. Allez, 8h48. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et comme chaque matin, la ligne anti-relou sur Fun Radio, les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou, spécialement dédiée à vous, évidemment, à donner à tous les relous de Belgique, que ce soit un dragueur, un mauvais dragueur en l'occurrence, que ce soit, je ne sais pas moi, votre prof, votre directeur, un flic qui vous arrête, qui vous demande des informations, un représentant, enfin bref, n'importe qui. 0-473-86-00-13. On écoute maintenant le premier message. Oui, bonjour, c'est José. J'ai eu votre numéro de téléphone par Mickey, mon neveu. Alors, si vous voulez me téléphoner, c'est le 04-475-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- D'accord. Je te remercie. Eh ben, il n'y a pas de problème, José. On remerciera. Tu pourras remercier ton neveu également qui t'a donné le numéro de la ligne anti-relou. Hein. Ça fait toujours plaisir. Si j'étais à ta place, je l'aurais très bien pris. Ouais, Julie, de faire radio. Les jours, je te crois, je t'arrache, ta culotte. Ah oui, c'est. Vas-y, dis-moi les informations, vas-y, vas-y. Oh là là, Julie. Ah, chocolat braise. Hein. Bientôt, enfin, bientôt, reste sur c'est fun ça, dans 10 minutes. Ça va venir. Et enfin, le dernier message pour ce matin. Oui, c'était Jean-Pierre. Écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais tu m'avais dit d'être attente devant le café de la gare. Ça fait une heure et demie que j'y suis. J'attends, je fais déjà mon cinquième café, donc je commence un peu doucement. Est-ce que tu crois que pour un jour, un jour quand même, parce que bon. Écoute, je serais tenté de te dire non vu qu'elle t'a quand même envoyé sur la ligne anti-relou, mais bon, après je peux me tromper hein. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va appeler un petit Deleuze là pour taper scandale parce qu'ils ont promis des stars et visiblement bah, ils sont pas dans le Deleuze. On a appelé à Spa et à Bruxelles et on appelle à Charleroi après David Guetta sur Fun Radio 8h50. Et voilà le son de David Guetta avec Usher à l'instant, c'était Without You, 8h53 sur Fun Radio. On va appeler au Deleuze. Mais on avait appelé tout à l'heure déjà parce que forcément ils avaient promis dans une pub que toutes les stars étaient chez Deleuze. Et bon, bah top, ils gueulent quoi. Bah c'est normal, ils m'ont menti. Moi je croyais que Lady Gaga elle serait chez Deleuze, que les Black Eyed Peas rempliraient les rayons. Et c'était pas le cas. Mais non, que Justin Bieber il serait là comme job étudiant. Bah non. Il sera bientôt prison d'ailleurs, Justin Bieber, mais enfin, parce qu'il a téléchargé de la musique illégalement. C'est une histoire. On vous expliquera. Bon, on avait appelé à Spa et à Bruxelles tout à l'heure. À Bruxelles, on s'est foutu de ta gueule, Toff. Et on va appeler à Charleroi maintenant. Allez, on y va. Allez, c'est parti, Charleroi, on va au Deleuze. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que vous êtes une menteuse. Pardon ? Ouais, je suis allé dans mon Deleuze, il n'y avait pas les Black Eyed Peas. Vous vouliez voir les quoi ? Les Black Eyed Peas. C'est une blague là. Non madame, la pub elle disait les Black Eyed Peas, ils étaient dans mon Deleuze. Eh ben, je suis allé dans mon Deleuze, ils n'étaient pas là. On n'a jamais dit qu'il y aurait des chanteurs dans un magasin, hein. Si madame, vous avez dit, la pub elle disait les Black Eyed Peas, ils sont dans ton Deleuze. Je suis allé dans mon Deleuze, ils n'étaient pas là. Si vous les téléchargez avec des cartes, ça marche très bien, on sait le faire, mais les personnages, c'est impossible de les avoir dans le magasin, mais vous rendez compte. Fallait pas le dire, madame, parce que vous l'avez dit. Vous avez dit les Black Eyed Peas, ils seront dans votre magasin. Voilà, c'est ça que vous avez dit. Vous avez pas dit les cartes, elles seront dans votre magasin. Donc vous avez menti. Maintenant, moi, je veux des excuses et je veux rencontrer les Black Eyed Peas. Et vous faites comme vous voulez. Je ne saurais pas vous les faire rencontrer, moi, monsieur. Je suis qu'une employée, moi, ici. Eh ben, passez-moi le directeur. Moi, je veux parler à quelqu'un. Et je veux qu'on me fasse rencontrer les Black Eyed Peas dans mon Deleuze. Mais je vous passe au directeur, un petit instant. Oh, pas mal. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ben, le problème, c'est que vous n'avez pas bien compris la publicité. En fait, c'est une publicité qui parle de cartes à télécharger. Donc, il y a les Black Eyed Peas, Justin Bieber, Lady Gaga, etc. Mais ils ne se trouvent pas dans les magasins. C'est uniquement des cartes à collectionner. Monsieur, mais la publicité, elle dit « Les Black Eyed Peas seront dans ton Deleuze ». Ben, c'est normal, par rapport aux cartes. Non, c'est pas vrai, alors. C'est les cartes qui seront dans mon Deleuze, pas les Black Eyed Peas. Ouais, mais bon, c'est une façon de parler. Hein. Non, monsieur, c'est une façon de mentir aux gens. Vous m'avez trompé. Ben non, franchement, si les Black Eyed Peas étaient dans un Deleuze, vous croyez que c'était pas la... Ça aurait été vraiment la foire, les gens auraient été là, les fans, etc. Je croyais que les Black Eyed Peas, ils allaient remplir les rayons et que Lady Gaga, elle ferait la caisse. Vous croyez, c'est comme on croyait au Père Noël. Hein. Ça, c'est... De toute façon, on a fait aussi avec les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs n'étaient pas dans le magasin. Hein. Mais je m'en fous des Schtroumpfs. Moi, c'est pas les Schtroumpfs que je veux rencontrer. Je veux rencontrer les Black Eyed Peas. De toute façon, je ne sais rien faire pour vous. Eh ben, c'est pas bien, monsieur. Eh ben, on est des menteurs, qu'est-ce que je vous dis. Voilà. Eh ben, voilà. Ben, au moins, vous l'avez admis. C'est déjà pas mal. Nous sommes des menteurs. Ça va ? Voilà. Voilà. Ben, c'est déjà pas mal. Au revoir, allez, monsieur. Au revoir. Menteur. Eh ben voilà, c'est plié comme ça vient. Bon, ils l'ont avoué, hein. Voilà. Bah, t'as quand même eu le directeur. C'est le gamin, ouais. Pas mal. Ils m'ont menti. C'est vrai. Bon, 8h56 sur Fun Radio, je vous répète, la devinette qui colle dans un instant. Et on écoute les Deep Side DJs, Never Be Alone. 8h57, bon réveil, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. 9h du mat sur Fun Radio, dans un instant l'info avec Julie, les Deep Side DJs à l'instant, c'était Never Be Alone. Et je vous rappelle la devinette qui colle, attention, pour gagner l'écran plat ce matin, écran plat ou pack Nintendo Wii, il est parfois critique, il peut être invoqué, fort utile à l'équipe, pardon, sont très peu amusés. Qui est-il ? En général, on peut dire aussi qu'ils sont bons quand on parle d'une équipe, ils sont bons, ouais. Ils sont bonnes. Bah d'ailleurs, je pense que Julie va souvent dans ce magasin-là. Oui, c'est vrai, c'est un magasin. Justement, c'est pas du tout mon genre. Ah ouais? Ah ouais, non, vraiment pas. C'est vrai. Je trouve ça trop, trop classique. Voilà, trop, exactement. Et ouais. Alors, quand quelqu'un est toujours négatif, il est toujours en train de tirer la gueule, on dit qu'il est mauvaise. Ouais. Voilà. On dit qu'il est Julie. Voilà, donc on peut l'invoquer, c'était dans l'énigme. On peut l'invoquer et voilà, si vous avez la bonne réponse, il y a un écran plat pour vous. 63,22 par SMS, c'est 1€ le message. Il y a l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. On proposait également tout à l'heure Dieu, non pas du tout. La conscience n'est pas ça. L'humour non plus, ce n'est pas la bonne réponse. On peut invoquer, on invoque le gardien. On invoque le gardien. Voilà, c'est une réponse qui est arrivée également. On peut invoquer un gardien. Voilà, la bonne réponse au 63,22. Bonne chance. Et dans un instant sur Fun, c'est Ina avec Un Momento. Mais bien sûr, là, c'est parti pour l'info à 9h01 avec Julie. Bonjour à tous. La zone euro respire ce matin. Après 10 heures de négociations, les dirigeants européens ont trouvé un accord pour sortir de la crise de la dette. Les banques vont être recapitalisées à hauteur de 106 milliards d'euros et la dette de la Grèce sera divisée par deux. Les pays de la zone euro ambitionnent tous aussi d'adopter d'ici fin 2012 des règles d'or budgétaire pour ancrer dans leur législation l'objectif d'un retour à l'équilibre et des comptes publics. Ce matin, les bourses asiatiques, le pétrole et l'euro accueillent favorablement les annonces en provenance de Bruxelles. Les bourses asiatiques étaient en hausse à l'ouverture. Les soins de santé coûtent plus cher et les soins médicaux sont parfois si chers que certains patients s'abstiennent de soins. Un Belge sur 5 renonce à se rendre chez le médecin quand il est malade. Dans 4 cas sur 10, c'est le coût des soins qui est évoqué. Dans le même temps, les prix des soins de santé ont subi une augmentation de 3,4% par rapport à 2009. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des suppléments honoraires et les frais liés à une hospitalisation varient fortement selon les régions. À Bruxelles, les soins de santé coûtent plus cher qu'en Flandre et en Wallonie. À Liège, deux individus portant des masques ont attaqué hier soir le Magic Solarium quai des Ardennes. Les inconnus, dont l'un était armé d'un revolver, ont obligé la gérante à déposer le contenu de la caisse dans un sac. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite. Ils n'ont pas été retrouvés. Plusieurs solariums de Liège et de la région ont fait l'objet de vols à main armée ces dernières semaines. Le complice présumé du jeune cambrioleur de 17 ans tué dimanche à Borkenhout a été placé en centre fermé. Âgé également de 17 ans, il a reconnu qu'il était présent lors des faits, mais a nié avoir fait usage de la violence. Le suspect s'est présenté hier matin à la police. Ses parents avaient auparavant pris contact avec les policiers. À l'étranger, une masse d'eau colossale s'approche de Bangkok, d'un volume d'eau équivalent à 480 000 piscines olympiques. Une masse qui descend inexorablement vers le golfe de Thaïlande, force les digues et fait déborder fleuves et canaux. De nombreux habitants de Bangkok fuient la mégalopole au début d'un week-end exceptionnel de 5 jours décidé à la hâte par le gouvernement thaïlandais pour permettre à la population de faire face à des inondations historiques. Et puis enfin en sport, en 8e de finale de Coupe de Belgique, on retiendra qu'Anderlecht a été éliminé 1-2 par Ruppelbaum, un club de Détroit. Cercle de Bruges et Genk, tous deux éliminés également. Les vainqueurs, ce sont le Standard, Courtrai et la Gantoise. Dans un instant sur Fun Radio, on va vous rembourser vos factures. Je vous expliquerai d'ailleurs comment faire d'ici quelques instants. Sinon, on peut invoquer une blague apparemment, d'après ce que je vois dans les réponses. Qu'est-ce qu'on peut invoquer? Les joueurs. Oui, pourquoi pas, oui. Moi, j'invoque souvent la sainte blague. Oui, on peut invoquer un but. Ça, c'est ce qu'Anderlecht aurait dû faire hier. Hein. Voilà, des cheerleaders. Voilà, ça s'écrit pas comme ça, mais l'idée est bonne. Hein. Ça, je les invoque souvent, mais jamais elles me répondent. On peut invoquer des champions aussi. Oui, la foi. On peut invoquer les perdants. Dis donc, vous êtes en train de vous égarer là, les gars. Je vous dis ça, je vous dis rien. Enfin bref, la météo. Un temps sec, du soleil encore pour aujourd'hui, quelques petits nuages mais qui restent inoffensifs, température de 12 à 17 degrés et même jusqu'à 18 degrés demain et même un temps sec jusqu'à lundi. C'est pas mal, 9h04 sur Fun Radio, dans un instant je vous explique comment faire pour qu'on vous rembourse vos factures et bien entendu nous aurons l'info en plus. Fun Radio. h05 sur Fun Radio, tous les matins, nous sommes en direct évidemment jusqu'à 9h30 avec Ina qui arrive dans un instant, ce sera Un Momento et quelle est l'info en plus? Les femmes l'ont rêvé et ça y est, quelqu'un l'a inventé, le déodorant pour pénis. C'est pas mal. Eh bien oui, il est en vente depuis lundi dernier, uniquement aux Pays-Bas pour le moment. Mais Julie en a déjà commandé. Non, pas du tout. Non, mon homme n'a absolument pas besoin. Son prix avoisine les plus ou moins donc 7 euros. Et il tient dans une poche, donc il est facilement transportable à gauche, à droite. Il paraît que 2 vaporisations quotidiennes suffiraient à assurer la fraîcheur pour une journée. Le déo s'appelle le Fresh-Im. Il rafraîchit et protège la zone intime donc des hommes. Et alors apparemment, sympa. L'inventeur en aurait parlé de son projet à des connaissances dans l'armée et les hommes seraient partants pour essayer le produit, surtout en mission, lorsqu'ils ne peuvent pas se doucher. Voilà, bah oui, mais c'est bien. Après, il faut pas l'utiliser en se disant bah tiens, je vais économiser de l'eau. Enfin, ça part d'un bon principe. Non, mais... surtout pas. Enfin, les militaires ne peuvent pas se doucher, mais ils aimeraient bien s'enfiler. Et du c'est coup, oui. Ils préfèrent avoir une odeur saine. Tant qu'à faire, autant que ça sente bon. Oui, c'est clair. Ouais. Voilà, bon, voilà. Bah, très bien. Je vous explique maintenant comment faire pour qu'on vous appelle peut-être dans un instant, dans 3 minutes 30 à peu près, pour qu'on vous rembourse vos factures. Le principe est simple. Vous avez une facture, ça vous saoule un peu de devoir la payer, je peux comprendre. Eh bien, nous allons peut-être vous appeler pour vous la rembourser. Comme ça, c'est plus simple, vous la payez, on vous la rembourse. Hop là, opération blanche pour vous. 6322, vous débutez le message par facture, avec le montant et l'objet de la facture. Dis donc, dis tout de suite si je t'ennuie, Julie, elle est en train de bailler devant ma tronche, là, en train avec une bouche grande ouverte. Non, il y avait un message, mais tu n'as pas su le comprendre. Ça doit être ça, ouais. Bon, alors, il y a des factures qui sont arrivées, là. 129 euros pour l'assurance, 120 euros pour une assurance voiture, 36,78 euros, mais on ne sait pas pourquoi, 100 euros pour le parfum pour ma femme. Vous n'épargnez rien. 165 euros pour la réparation d'un iPhone, c'est Vanessa. 123 euros pour les 3 Suisses. Peut-être que votre facture est dedans, et si elle n'est pas encore dedans, vous allez pouvoir vous inscrire. 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Allez, c'est parti. On écoute maintenant la belle Ina avec Juan Magan. C'est Un Momento. Il est 9h07 sur Fun Radio. Bon réveil. Le son d'Ina sur Fun Radio avec Un Momento. Il est 9h10. Dans un instant, il y aura évidemment l'horoscope de notre ami Doudou. Mais nous allons d'abord payer des factures. On aura Aurore aussi, normalement, en direct de Louvain-la-Neuve, hein, mais qui, elle, a fait les festivités. Donc, on va pas trop traîner parce qu'elle peut s'endormir à tout moment. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est chaque matin. C'est comme ça que ça se passe sur Fun Radio. On vous paye vos factures. Pour ce faire, c'est simple. Petit message au 6322. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on vous appelle peut-être là en direct. Vas-y, c'est bon, on y va. On va rembourser combien, Tof, là, tout de suite? 61 euros. 61 euros. Allez, c'est parti. On appelle maintenant. Et si la personne décroche et répond correctement à la question, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, répond Mickaël ou... Fun Radio. Voilà, ouais. Ça fonctionne. Par contre, là, il ne se passe absolument rien. Oui, mais pourtant, le numéro a été composé. Ah oui, mais... Regarde, là, il n'y a rien. Hein. Le bouton est levé, tout est levé, mais... Rien ne se passe. Enfin, sinon, t'appelles Julie, elle a bien une facture à rembourser. Non? Alors là, moi, j'ai des tas de factures à rembourser. Ah, une petite pas de facture, problème. Là, comme ça, la première qui passe. Ben là, Belgacom. Ah oui, mais j'ai reçu la même hier. Donc, tu vois, là, on est. J'ai reçu la même. D'ailleurs, si je pouvais éventuellement m'adresser à ces escrocs, hein, qui m'ont quand même dit: oui, vous voulez la télé Belgacom TV gratuitement? Bah oui. Ah ben, pas de problème, venez chercher le décodeur. Je dis: mais c'est gratuit, hein, parce que je n'ai pas besoin là-bas. C'est juste: oui, vous inquiétez pas. 12,40€. Ah ben donc, voilà. Je vais les appeler tout à l'heure, hein, mm-hmm. Ils vont être bien servis, tiens. Donc, on a de quoi faire, nous, on a plein de factures. Si ah ouais, c'est assez clair. Bon, par contre, ça ne téléphone toujours pas, Taf. Oui, hein. J'entends bien. Oui, bah oui, moi aussi, j'entends bien. C'est bien ça le problème. Bon, sinon on appelle dans 2 minutes, hein. On peut prendre Aurore en attendant si on l'a, Aurore. Voilà, ça y est, là c'est parti. Ah, ça y est, ça va sonner là. Et on rembourse combien, j'ai oublié? 61. 61 euros. Ah bah voilà. Donc c'est bien Tof qui avait deux mains gauches. C'est pas si compliqué, Tof, tu vois. Oh, mais il débute, hein. Ouais. Allô. Allô. Je vais jamais composer de. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Michel. Eh oui. Ah, j'essaye toujours cet air un peu désagréable, mais. Ah, mais comme d'hab, on me raccroche jamais. En fait. Ah, ouais. Non, on me raccroche jamais au nez. C'est dingue, dis donc, t'as fait l'école du rire ou... Ouais, j'ai mangé, hein, des tics, l'une, ça. C'est ça, ouais. Bah, mange encore un peu. Bonjour, comment tu t'appelles? Étouffe-toi dedans. Ebren. Tu t'appelles comment? Ebren. Ebren? Oui. C'est quelle origine, ça? D'accord, ok, Ebren. Eh ben écoute, Ebren, y a pas de problème, t'as été tiré au sort, bonne nouvelle. On va te rembourser une facture de 61 euros, c'est pour payer quoi? Base. Ah bah, mon abonnement de Base, ouais. Eh ben écoute, y a pas de problème, on va te rembourser cette facture-là, y a aucun problème. Je vais te remercier, Tof, au standard, et puis tu vas nous envoyer tout ce qu'il faut là, et puis on va te rembourser ça dans les plus brefs délais. Merci. Ben salut, Ebren, passe une bonne journée. Pas allez, à bientôt, ciao à toi. Eh ben voilà, plat, 300 fautes aujourd'hui, c'est cool. Wow. Si vous voulez, on remettra le couvert demain dès 6h. Et pour les inscriptions, 63-22, vous débutez le message par facture. Nous allons maintenant parler avec Aurore qui est avec nous, donc qui est à Louvain-la-Neuve, une étudiante, une alcoolique également. Allô Aurore. Une de plus. Allô. Oui, comment ça va Aurore? Comment cette bonne voix le matin? C'est un peu dur ce matin, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tu peux faire souffler dans le téléphone? C'est très chargé ce matin. Ouais, effectivement, ouais. Ah oui, ah, ce matin il y a du monde. Hein. Ah, ouais. Ah, ce matin c'est dur. Bon, Aurore, donc de Louvain-la-Neuve. Alors, tu as bien entendu fait les festivités. Ah non, je me suis bourré la gueule chez moi toute seule. Ah, ben enfin, oui, j'ai fait les festivités jusqu'à 6h du matin et. Ah ouais. J'ai été réveillée par Tof à 9h. Ah oui, bah, c'est normal. Il y a un moment, il faut bien pouvoir un peu travailler. Mais aujourd'hui, donc pas cours, c'est congé aujourd'hui alors. Ouais non, j'ai pris congé moi-même, je suis censée aller en cours en fait. D'accord, ok. Ils doivent être tout seuls les profs aujourd'hui quand même, hein. Ça doit être, ça doit être... Ouais, je pense aussi. Ouais. Ça doit être très déprimant d'être prof le lendemain des 24 heures. Tu m'étonnes. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir en deux mots là? Il y a eu truc bien, il n'y a pas eu de drame, tout ça? Non, il n'y a pas eu de drame, il y avait quand même des bagarres, mais sinon, pour ma part, ça a été... Ouais. J'étais dans le cercle Carolo, je sais pas si vous voyez où c'était. Ouais. Mm-hmm. Bah, Julie connaît bien, t'es... Oh là là. Parce que je viens de Charleroi, donc voilà. D'accord, très bien, écoute, très bien. Et donc, au niveau des consommations, ça va, pas trop quand même, hein? Un peu beaucoup, ouais. Ouais, un peu beaucoup, hein. Est-ce que tu peux nous faire le nombre de bouteilles que tu as bu? Ouais, qu'est-ce qui traîne autour de ton lit, là? Non, c'est pas près de mon lit, c'est là-bas, j'ai eu beaucoup de verres. Ouais, beaucoup de verres, ouais, bah oui, j'imagine. Bon, Aurore, merci à toi, on va pas te déranger plus longtemps, on te reprendra avec plaisir quand tu seras sobre et réveillée. Dans deux ou trois jours, ouais, d'ici quelques semaines, je pense, hein, j'allais compter plus large, moi. En tout cas, je te fais des gros bisous, Aurore. Merci, bah vous aussi, bonne journée. Ah bah nous, on est presque fini, hein. Et bonne nuit à toi, hein. Ouais. Salut Aurore. Merci, hein. Au revoir. Et bonne journée de congé surtout, hein. Bon bah voilà, tiens. Ah là là là là. Les ravages de l'alcool. C'est très dur. Les étudiants de nos jours. C'est très très dur. Allez les femmes. C'était Adèle à l'instant sur Fun Radio, Set Fire to the Rain. J'espère que vous allez bien ce matin, il est 9h18 sur Fun Radio. Dans un instant, Walid prendra le relais pour le self, puisque je vous rappelle que Lucas est toujours en congé maladie, puisque bah forcément on lui enlève ses dents de sagesse. Le pauvre, il souffre. Ouais, je sais pas s'il souffre, mais en tout cas on lui enlève ses dents de sagesse, donc normalement ça fait pas du bien, en théorie. Bon, nous avons qui maintenant pour la réponse à la devinette qui colle? Nous avons Nadia de la Louvière. Salut Nadia de la Louvière, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Eh ben, sois la bienvenue, Nadia de la Louvière. Alors, tu as la réponse à la devinette qui colle. Tu repartiras donc peut-être avec un écran plat dans un petit instant ou un pack Nintendo Wii. Il faut répondre à la question d'abord. Il est parfois critique, il peut être invoqué, fort utile à l'équipe, son trait peut amuser. Peu amusé, pardon. Qui est-il? Alors, c'est l'esprit. C'est l'esprit, effectivement, oui, oui, parce qu'on n'invoque pas, pas la mascotte, on n'invoque pas, qu'est-ce qu'il y avait? On n'invoque pas Dieu, on n'invoque pas la foi, enfin, quoique. Si, Dieu, on peut l'invoquer. Ouais, c'est vrai, l'esprit ouais. L'esprit critique aussi. Oui, l'esprit critique aussi, c'est vrai. En tout cas, bravo à toi, c'est gagné, Nadia. Écran plat ou pack Nintendo Wii, tu veux quoi? Je préfère la Nintendo pour mes filles. Eh ben, la Nintendo Wii, il est pour toi, il n'y a pas de problème. On va te prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidos, d'accord? Merci bien, c'est gentil. Je t'en prie. Des gros bisous à toi aussi. Salut Nadia. Merci, ciao. Pareillement. T'es de quel signe au fait, Nadia? Pardon? T'es de quel signe? Gémeaux. Eh ben très bien, on va en parler en horoscope avec Doudou, tiens. Fun Radio. Fun Radio. Eh ben voilà. Tiens, Doudou, vous êtes pas allé aux 24 heures de Louvain-la-Neuve, vous? Attends, pédaler 24 heures sur un vélo, mais ça va pas, non? Non, Doudou, c'est une fête. Le vélo, c'est juste un prétexte. Ah bon, avec des filles à boire? Les filles, je sais pas, mais à boire, ça c'est sûr. Hein. Ah, mais fallait le dire avant. Bon, allez, on fait l'horoscope là, vite fait, je suis parti. Bon, ouais, hein, allez, on y va. À cette heure-là, il n'y a plus que les fonds de verre, hein, vous allez voir. Hein. Oui, bah, c'est pas grave. D'accord, bon, allez. Je vois les fonds de fesses, ça me va aussi. Bon, les béliers. Alors, vous avez tendance à être trop généreux, surveillez vos rapports avec l'argent. Les taureaux. C'est une bonne période pour nouer de nouveaux contacts et forger de nouveaux projets. Les gémeaux. Sautez sur chaque occasion pour prendre le meilleur de cette journée. Les cancers. Apprenez à mieux présenter votre travail auprès de vos supérieurs. Les lions. Vous ne travaillerez pas bien en étant sous pression, alors demandez plus de temps. Les vierges. Faites-vous plaisir. Bah oui, les balances. Même si elles vous paraissent non productives, faites des pauses. Les scorpions. Ah, pas de chance en amour, mais de la chance au jeu. Ah bah c'est déjà ça. Les sagittaires. Avec plus de tact, vous atteindrez mieux vos objectifs. Les capricornes. Malheureusement, c'est plus difficile de résoudre un problème que vous ne l'avez pensé. Les verseaux. Croyez en vous, profitez de cette phase de grande créativité au mieux. Bon, et pour finir les poissons. Un ami a une bonne idée, vous devriez l'écouter. Bah oui, en général, il vaut mieux les écouter. Merci Dodo, et puis bah, bon 24 heures alors. Hein. Ah oui, oui, j'y vais là, je suis parti. Enfin, il en reste plus que 12. Hein. Bon, Carrie Hilson, maintenant sur Fun Radio avec Nelly, c'est Lost Control, 9h21. Le son de Carrie Hilson sur Fun Radio avec Nelly, c'était Lost Control, il est 9h23, bonne matinée tout le monde. On est ensemble tous les matins jusqu'à 9h30 et là on va parler de quelque chose d'énormissime. Je sais pas si vous étiez devant votre télé hier soir, hein. Si vous n'y étiez pas, vous avez certainement raté l'incroyable talent sur Plug RTL et surtout vous avez raté notre amie Georgine qui était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, la belle Georgine. Gros dossier. Ah oui, ça c'est clair. Oui, surtout un prénom très rock'n'roll. Bah oui, ça c'est sûr. Et à 59 ans, elle n'a pas que ça de rock'n'roll. De rock'n'roll, vous allez pouvoir l'entendre maintenant. Petite présentation de Georgine. Je suis chanteuse, comédienne. Donc régionalement parlant alors. Non, je chante partout. Hein. Vous chantez partout, on me demande. Ah d'accord. Et on vous demande beaucoup? Oui, surtout chez les rugbymen. Ah oui. Ah oui, bien sûr, d'accord. Chez les rugbymen, bien entendu. Alors, évidemment, dit comme ça, on pourrait croire qu'elle fait les ouvertures de matchs, tu sais, genre les Black Eyed Peas au Super Bowl, etc. Bon, c'est pas vraiment ça, en fait. Je fais les troisièmes mi-temps de rugby. Peut-être perverse, hein. Eh oui, peut-être perverse, hein, dis donc. Hein, il va se calmer, Gilbert, là, quand même. Bon, elle a 59 ans, quand même. Bon, maintenant que vous savez tout, justement, sur elle, là, je suis sûr que vous n'avez qu'une envie, c'est d'entendre ce qu'elle chante, la belle Georgine. Ah, n'est-ce oui. pas oui. Ouais. Georgine, Georgine, Georgine. Bah, vous enflammez pas trop, là. Hein. Ah oui, c'est dur. Popolette, c'est eh oui. Dur. Bon, attendez, je vous mets un petit peu plus loin parce qu'on ne se rend pas bien compte jusqu'ici. Popolette, tu pollues. Eh oui, popolette, tu pollues. Ah voilà, c'est bon, je le refrain. Et sinon, il y a autre chose? Eh oui, bien sûr, il y a ça. Ah, je vous ai dit que c'était bien. Hein. Ah oui, grosse prod. Hein. Ah oui, mais alors justement. Il y a du Timbaland en dessous, quelque chose. Bien sûr, mais justement, nous avons l'explication du mari de Georgine à ce propos. Non, pardon, c'est celui-là. J'ai fait de l'électro, j'ai pas fait de la chanson. Voilà, ça on l'a bien vu. Hein. L'électro, je sais pas, mais la chanson, effectivement, il a pas fait dedans, ça c'est évident. En tout cas, ça va faire plaisir à tous les mecs qui font de l'électro. Hein. Vous êtes moderne, mais il n'y a pas de texte. Il n'y a pas. Voilà, j'ai bien compris ce qu'il a dit Robert là. Ah bon bah alors très bien, c'est tout de suite beaucoup plus clair effectivement. Ah bah oui, oh là là. Ah bah tiens évidemment. Bon, on va peut-être prendre l'avis de Sophie avant de partir quand même. Hein. Non mais c'est tout à chier là. Ah oui, c'est tout à chier. Ah voilà. Oui, c'est vrai. Je pense que tout est dit. Hein. Voilà, c'est complètement à chier, c'est la merde. Je pense que Sophie a bien résumé la situation. Oui, en effet, je pense qu'elle a effectivement mis tout ce qu'il faut là où il faut, en effet. Bon ben voilà, donc attention, l'incroyable talent, en tout cas c'est sûr, on l'a pas encore trouvé. Non. Non. Ouais, parce que on cherche toujours. Il n'était pas là. Oui, on cherche. Hein. Et oui, tu pollues. Ça, c'est donc de la musique électronique. Ce qui veut dire que normalement, ouais. On aurait pu la mettre sur Fun. Ah bah oui, c'est un peu du dance. Son dance floor, musique électronique, ouais. Ça se tient, tu vois. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va s'abstenir. On va certainement passer à côté de quelque chose. Hein. Probablement. Je pense. Un tube planétaire. Ah oui. Moi je pense qu'il faut qu'on garde quand même ça à l'œil. C'est vraiment important. Ouais, je pense qu'on va le garder. Faut pas lâcher ça. On va le garder dans le rétroviseur alors. Hein. De loin et dans le noir. Voilà, peut-être. plutôt à cet endroit-là. Bon, dans un instant, c'est Walid qui débarque avec bien sûr le self comme chaque matin. Lucas étant en congé maladie, on lui enlève les dents de sagesse. Il sera là jusqu'à 13h. À 13h, c'est Jasmine jusqu'à 17h pour Pure Dance Floor. Evan ensuite pour la tribu à partir de 17h avec notamment Julien Dorien que nous avons eu en direct de Louvain-la-Neuve qui sera je ne sais pas où en direct de où tout et à l'heure. Je ne sais pas non plus dans quel état il sera. Hein. Oui, parce qu'il était complètement mort torché, il faut le savoir tout à l'heure exactement. Et puis on va se retrouver demain ou à partir de 6h. Loupez pas la libre antenne ce soir avec Vince et la Baie notamment. Ah oh ben oui alors. Et ben voilà. Et bonne journée Julie. Bonne journée Mickaël. Bonne journée à demain 6h pour la dernière de la semaine. Bonne journée Toff également. Oui, bonne salut, journée. Toff. Allez à demain tout le monde. Ciao à vous. Il vous manque déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.